Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 10 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. L'alignement départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 1, je suis encore chaud, c'est un des fêtes. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Marc Véro. Le numéro 31, JF Mallette. Et le numéro 75, number 75, votre animateur, JF Crow. Oui, monsieur. Re-bienvenue, les gars. Premier épisode de 2017. Hey, bonne année. Comme hey, ça. Bonne année, puis on est. Bonne épiphanie. Tabarnak de Chris. Ça t'a se mangé un genre de gâteau des rois avec une bine dedans avant de t'en. Toi qui a pogné à la bine. Toi qui a pogné à la bine. Dave, je te dis, là. Tu sais toute l'année. Essaye d'éviter tous les mecs qui contiennent des bines avec Dave, Sty, parce que. Ah, ça doit sentir. Ah, regarde. Ça sent la bine. Hey, on va en chier. La soirée du podcast, émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle bien sûr avec passion et boisson. Des sujets chauds couverts par des gars chauds, comme vous l'avez entendu en intro. Des sujets chauds par des gars chauds. Donc on va aller faire l'avant-match. Il y a tellement de contenu ce soir, ça n'a pas de bon sens. Mais avant d'aller vers du contenu peu pertinent, Dave, contenu encore moins pertinent, les positions du pool de la soirée du podcast. Positions du pool. D'ailleurs, faites vos échanges pour le mois de janvier, c'est pas fait. Ouais. Je vous conseille d'enlever peut-être Gallagher, si vous l'avez dans votre pool. Ouais, ça serait pas une bonne idée. Une mauvaise idée. On va en parler plus tard. Moi, j'ai échangé Justin Faux, puis il revient au jeu. Il revient au jeu à soir, ah, je pense. Ouais. Ben, coudonc, regarde. T'avais-tu checké sa blessure, c'était quoi? Ben, c'était marqué genre indéterminé. Puis c'était pas d'habitude, il marque quand il est genre possibilité de jouer. Toi, ouais. Genre, t'as pensé que c'était un indéterminé du genre, OK, il est en attente de savoir, il va se faire opérer, puis ça va prendre combien de temps? Non, mais genre. présence, absence indéterminée. Là. Ah ouais. Genre une commotion. Ça, c'est plate. T'as comme brûlé un trade à cause de ça. Ouais, mais je suis allé chercher Seth Jones, puis il joue bien de ce temps-ci. Oh. Fait que, il était on fire. Fait que c'est ça. Fait que. Anyway, ça, c'est pas grave parce que en numéro 5, moi-même, en égalité avec Alex Galipo. Ah, Alex est numéro 5, ça, c'est vous deux, ça? Okay. Alex. Moi, j'ai moins de game, moins de parties jouées que lui, fait que je suis comme en avance. Ah, calme. Hein, avant de même. C'est bon, ça? Après ça, numéro 4, Alexandre Girard. Numéro 3, Philippe Boivin-Tardif. Numéro 2, qui... Et à ma grande déception, a descendu de la première position. Eh oui, notre Caroline, elle a descendu. Ah ouais? Eh, ah, fuck. Caroline Langlois a descendu. Mais il y a genre 2 points, je pense, d'écart. Là, ouais, c'est genre... C'est pas grave, my love, je t'inquiéterais pas pour ça. Là. Vraiment déçu. Mais elle a une meilleure moyenne de points que le premier, qui est le premier, Yann Dupuis. Félicitations. Yann Dupuis. Bravo. Félicitations. Faut que ça se passe. Ensuite, 13e position, Mallette. 15e. Ah, il m'a dépassé la crise. 15e, Jeff Cromp. J'ai remonté, j'étais chanceux. Et après ça, ça va à 32, Martin Véro. Puis 36, Alex Cromp. Mais lui, tu sais, monsieur, il est préoccupé à faire des. Alex, il est combien? Galipo ou Cromp? Galipo, il était combien? 5e? Il est à 5e. Ah, tabarnak. Je suis bien loin, tu sais. Hey, ça, j'ai pas fait mes trades au mois de décembre. Sérieusement, j'ai vaqué. Caro, elle est deuxième. Puis le pire, c'est qu'elle a été première, là, genre vraiment pendant la petite bout. Elle a genre fait aucun calice de trade. Là, c'est ta Caro. Fais-les tes trades. Montre-moi ça en première, Asti. Elle avait pas de trade à faire en même temps. Là, mais là, elle a des blessés. T'as pas blessé. Ah. Ouais, mais c'est ça. J'ai checké, son pot. C'est sûr. C'est sûr, toi, t'es cinquième, là, tu dois commencer à lucquer à première place un peu. Ben, honnêtement, je m'en fous, man. Ah, moi, tout, sérieusement, je le check pas. Je le check pas. Fait que si c'est un de nous autres qui gagne, on donne juste pas de prix, c'est ça, là? Un de nous. Ben, on va donner la première personne qui est. qui est devant, quelqu'un qui est derrière nous. On peut toujours donner une bonne poignée de main. Bon. On espère que ça va être Kéro. Comme ça, on va éviter le shipping. Ouais, on va. On va aller porter en main propre. Ouais. On va venir cogner chez vous. Livraison de colis. Votre prix pour la soirée. On voudrait voir la dame de la maison, s'il vous plaît. Mort derrière avec le bébé. Le bébé est dans les bras qu'un gars. Il est pas ici. Ah, fait qu'on va aller faire la première période. On va aller faire la première période. Ah, un trêve de bavardage, de plaisanterie comme ça. Bon, alors, j'ai pas noté toutes les games qu'il y a eu entre les deux podcasts, puis qu'on a arrêté le 8 décembre. Ça vient de mourir ici. Il y en a eu pas mal, pareil. Fait qu'il y a eu, on a eu 6 victoires, 3 défaites et 4 défaites en tir de barrage et ou prolongation. Ce qui est pas mauvais, on a joué pour à peu près 500, là, autour de 500. Fait que, ouais. Mais le Canadien était compétitif puis ils ont perdu bien des. Ben, il y a eu beaucoup de games en prolongation. Là, est-ce qu'on a évité le slum du temps des fêtes cette année? Ouais, je pense que le mini slum est arrivé un peu avant. Genre. Mettons, puis même, il n'y a pas, pas, y a pas, pas eu de slum à date. Là. Ben non, là, tu l'as évité avec l'absence de tes grands joueurs. Markov et tout. C'est ça, tu as des joueurs importants qui sont pas là. Chat n'est pas là. Ça va bien pour le Galchenyuk n'est pas là. Markov n'est pas là. On parle de 3 joueurs, je pense, assez importants dans l'alignement. Ah ouais, c'est sûr. Ça va bien en hostie. Ben, Chris, on a de la profondeur. Puis. Arrêtez de chialer sur Terrien, il est capable de faire de la job qu'il faut avec les joueurs qu'il y a. Non, les combinaisons qu'il a faites sont très bonnes. Shut the fuck up. Le monde sur Twitter qu'à chaque hostie de game sont comme d'or, Terrien, hostie de cochon, farmez vos calices de gueule, qu'est-ce que vous voulez de plus? Hostie? Ça n'a plus rapport, là, un moment donné, décroché. On est premier dans l'Est. Il fait la job, on est premier dans l'Atlantique. Whatever, on est quand même dans le top de la Ligue en ce moment. Ouais. Le Canadien fait très bien en ce moment. C'est pas le temps de mettre Michel Terrien dehors. Je pense dans l'Est, le premier, c'est Columbus, man. Ça, c'est Terrien. C'est une streak de victoire. Ils sont quoi rendus à 18, je pense? Ça a arrêté hier. Combien? Ça a arrêté hier. Ils étaient rendus à 16 victoires collées. Tabarnak. Ça n'a pas d'allure. Avec Tortorella? Oui, avec Don Toretto. Avec Tortellini. Le coach compte-tu pour tant que ça? Ben oui. Ben, écoute, il a peut-être changé. Hey, man, ils sont fait défoncer l'anus hier par les Capitals. Ils ont perdu genre 5-0. Là, ça, c'est la loi de la moyenne. Oui, non, c'est ça. Fallait que ça arrive à un moment donné. Mais honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, en fait, faisait longtemps. J'avais jamais vu Tortellini genre réagir. Dans... Je suis même plus capable de dire son vrai nom. Lui, c'est quoi son vrai nom? Tortorella. Tortorella. Don Toretta. Je suis plus capable. Tortorella, Tortellini, man. On dirait que j'ai oublié son vrai nom. Mais hier, là, après genre 4 buts, je pense, là, il était en arrière du banc. Là. Première fois que je voyais faire ça. Puis il applaudissait ses gars. Puis il avait l'air motivateur. Là. Ben, il n'était pas le choix, Chris. Il était pas comme en crise. Puis... Mais en même temps, son équipe a pas eu genre 16 victoires. Fait que t'es en crise, t'as l'air d'un hostie de cabochon. Là. Ce genre non, de coach, c'est sûr, certain, ça n'a rien donné, mais... Il aurait eu l'air d'un beau avec navet, avec là. Les Rangers, à l'époque, ils étaient de même aussi. Là. C'est sûr que c'est plus facile quand l'équipe gagne. Ils étaient de même quoi? Tu veux dire, c'est un gars qui parle beaucoup, ça. C'est un motivateur. Ouais, c'est ça, c'est un gars qui parle beaucoup, ça. C'est un gars qui chiale beaucoup aussi. Ouais, mais il y a les deux côtés. Tu sais, je pense qu'il y a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais c'est ses bons côtés. Ben, c'est parce que ça fait tout le temps, il manchotte, c'est mauvais côté. Non, mais... Tu sais, qu'est-ce que Guy Boucher a fait à Ottawa, là? Ouais, ouais. Son astuce son affaire de push-up, là, encore. Ah non, il a gueulé après le monde, pète un hockey à terre, sti, donné de la merde. Ouais, mais Guy, il s'est comme excusé Price. Après ça à... Price pète 2 bâtons, soudainement, il serait blessé. Ouais, oh là là. C'est sûr, Guy, il devait être blessé. Il était blessé à l'âme, man, sti, sérieusement. Mais Chris Neal, il n'a pas bronché en regardant ça. Il était blessé à son orgueil. Mais c'est sûr, tu vas scratch dans la face. Moi aussi, je serais sauvage avec une scratch dans la main. Lui, c'est sûr que... Chris, c'est un balafré, ce gars-là. C'est le dernier des Mohicans. Dernier des Mohicans. Hey, sérieusement, on dirait que c'est fait ouvrir à l'exacto. d'après moi, Esti, ils vivaient dans le temps des Indiens, puis ils ont voulu le scalper, mais ils ont manqué le front. Hein. C'est juste une trace, ça. S'ils se faisaient faire ça, ils avaient genre le droit de marier comme la fille de la tribu. Là. Ouais, c'est ça. On se slash, d'affaire, genre, on là, fait un slashing de hache en roche. Là, genre, t'sais, pis... t'sais, d'affaire, une histoire que t'arrives, tu t'en vas, genre, je sais pas, d'une tribu. Là, tu fais le mauvais move, là, puis t'es obligé, genre, de marier la fille du chef. Là. Tu t'es levé au mauvais moment de la cérémonie, là. Tu maries la grosse totone du village, là. Ta punition. La grosse quoi? Ta punition. Un coup de tomahawk dans la joue, puis après ça, c'est le calumet de la paix. Non, non, non, non, non. Non, non, tu sais, genre, il faut... pitches comme en bas d'un précipice avec les pieds attachés avec une liane, là, style. Puis genre de spike à votre nez. Ouais, ouais, mais c'est parce que si tu tombes mal, ouais, les affaires de virilité, puis genre. Pas, là, check, ouais, hein, genre on s'entend, tu peux te péter en tête sur le rocher. C'est ça, parce qu'il check pas la longueur de la liane puis la hauteur de la falaise. C'est random shit en crise. On prend la première liane sur le bord, puis c'est plus longue que la falaise. C'est one size fit all. Il est en tranchine d'un arbre, c'est comme ça, être seul là. Là, t'es comme un calvaire. T'es sûr, ouais, là? T'aurais-tu pu prendre une plus fraîche, si t'as pris comme la sec qui va fendre? Ça, ben ouais. T'as l'air sur le bord. Qu'est-ce qu'on est-tu à la découverte, tu sais? De quoi qu'on parle? Non. On parle des reptiles. On parle de Sophie Thibault, la reptilienne lesbienne. Ouais, mais c'est ça. Ramène-nous pas à Charles Tisseur. C'est une discussion pour un autre podcast, peut-être, ça. Les reptiliens. La reptilienne. Ouais, je pensais pas que ça arriverait un jour au Québec, cette folie-là. C'est écœurant, hein, c'est dégueulasse. Mais bon, parlant de dégueulasserie, on va aller faire nos plus et nos moins. On va commencer par nos plus. Jeff, vas-y, t'es silencieux depuis le début. Fait que, ah ouais, ton plus pour le temps des fêtes. J'en nomme un, je dirais pas trop de choses dessus parce que vous avez sûrement le nommé vous autres aussi. Là, c'est Pacioretty. Pacioretty, 13 buts dans ses 15 derniers games. C'est quelque chose pareil. Hein? On est-tu inquiète de ce gars-là? On peut-tu dire que lui, il est en capitaine présentement? T'sais? Ben non, mais c'est parce qu'il est en capitaine. Je veux dire, hostie, le gars, il remplit le net. Là. Depuis le début, Dave, il est comme, il check son sel puis il cache toute la face à JF avec son sel. Dave se cache JF. C'est comme dans Austin Powers, quand il se cache la graine tout le temps, soit avec la tailleur là, ou avec un fruit. Là. Désolé, JF. Il n'y a pas de problème. On va essayer de corriger ça. Là. Fait que... Après ça, t'as l'affaire de l'attente où ce qui tire des... il pogne une souris genre dans le cul. Excuse-moi. Bref, Pacioretty. Bon plus, malade. Puis j'irai avec Dano aussi. Parce que je persiste et je signe encore. Dano, c'est un meilleur joueur de hockey que Dernay. Puis je vous le dis tout de suite. Mais il a le format, Dano. Il a le format, il a le patin. Ça. Il est capable d'aller chercher la bande. Il n'est pas tant sur le cul. D'ailleurs. D'ailleurs, Dernay aujourd'hui qui s'est reblessé à l'entraînement en faisant un contact joue à genoux avec je sais plus qui. Pierre Allard, le gérant de l'équipement, je pense. Hey, tu te blesses à l'entraînement quand tu contactes avec Pierre Allard. Faut vraiment que tu sois faible. Le soleil est tranquille. Ah, c'est fini pour Dernay. C'est de valeur, mais il a perdu son poste. Ouais, il est père. Oui, il va être père. Il est père, mais je suis inquiète parce que j'espère qu'ils vont faire des prises de sang. Ah, mais il a quel âge Dernay, là? Il doit être dans la trentaine. Je veux dire, lui, c'est sûr que ça allait dégringoler vite son affaire. Lui, il a eu un hype, puis ça a duré le temps de son contrat. Puis, dans le fond, son contrat a commencé, puis il a commencé à décliner là. Il va se trouver un autre contrat dans la Ligue nationale l'année prochaine. Moi, je suis prêt à vous dire. C'est fini. C'est cette année que ça finit son contrat. Il va avoir un essai d'un autre équipe. Il ne signera pas un autre contrat. Il va être invité dans un camp d'entraînement. Puis il va devoir se forcer le cul pour faire comme plus. Ouais, mais moi, je pense qu'il va avoir un contrat l'année prochaine. Moi, je suis sûr qu'il va retourner minor leaguer. Non, demain, il va se prendre un contrat à TV. Il va aller à TVA Sport ou RDS. Non, mais c'est un gars qui est inédit. Dernay, il pourrait le faire. S'il arrive en chef. Peut-être. Mais il est capable de faire de quoi pour une équipe, mais il est jeune, je pense pas qu'à ce âge-là, il va vouloir arrêter. Il faut qu'il soit en shape, ça, il va participer aux émissions de David Henner à V. Là, mais pour ton choix, par exemple, de qui? Tu sais pas c'est qui David Henner? Tu checkeras sur... Il est à V, lui? Ouais, il a radio avec une web-série. Ouais, mais Mallette, pour revenir là, sur ton choix de Pacioretty, moi, par exemple, je le disais que Pacioretty, c'est ça, c'est un gars qu'il faut qu'il tire au net, man. Faut qu'il ait le puck. Là, il s'est fait donner le puck, il tire au net, ça rentre. Un scoreur, man, c'est ça. C'est sûr que quand t'es un scoreur, faut que tu tires au net. Pacioretty, ça reste un one-trick pony. Ben oui, il y a juste un tir d'attaque. Mais c'est un one-trick pony, mais tu sais, mettons, on l'a déjà comparé, mettons, avec. Mettons, tu dis one-trick pony, tu sais, Riders, tout, c'est un one-trick pony, mais j'aime mieux Pacioretty qu'un Rider. Il est bien meilleur qu'un Rider. Il y a plus de versatilité que, mettons, un Rider, même si c'est un one-trick pony. Hey, bon, mais je veux dire, à chaque fois que je vois Pacioretty essayer de faire une passe en zone offensive, c'est tout le temps d'accord, les amis. C'est pas le meilleur, mais il est capable d'en faire. C'est pas le meilleur, il est mauvais, carrément. Mais il est capable d'en faire. Il est pas playmaker, ce gars-là. C'est ça, c'est pas sa force. Vraiment pas. Lui, là, c'est comme si dans le sac de mise en jeu, soit à passe. Ah, mais t'en as besoin, le one-trick pony, comme ça. Ah, mais j'adore ça parce que ce gars-là, il peut t'en scorer 30. C'est sûr. Il y a le potentiel. C'est ce qu'a déclaré lors de la dernière. Ah, il avait dit qu'il n'était pas fini. Hein? Mais non, c'est sûr. C'est jamais dit qu'il était fini. Il avait dit qu'il n'était pas fini. Est-ce que tu penses qu'il aurait 30? Puis en plus, il dit que Radulov a changé un peu sa façon de travailler. Genre, il dit ce gars-là. Sa façon de travailler. tu sais, il est comme Gradulov, c'est un passionné, tu sais, sa glace, il mange le pot. Charles, tu voulais pas trop en parler de ce joueur-là, finalement? Ben, parce qu'on est sur le sujet. Ben ouais. je vous donne mon opinion. Il y a pas de plus, manqué, nos plus ouais. et nos moins. C'est ça le sujet, là. Ben, dans le fond, c'est quoi vos plus à vous autres, là? Moi, j'ai dit. Ouais, vas-y, Mart. Toi, c'est qui, Andrew Shaw? Ouais, le commun. Brille par son absence. Mart, toujours bien préparé avec les plus. Chris, moi, j'ai ça, les plus puis les moins, parce que j'en donnerais tout le temps. Moi, ben. Carey Price. Moi, je pense que je leur donnerais à Byron encore. Ah, c'était mon plus, moi aussi. Parce que Byron, c'est nos Ben, ce gars-là. C'est ouais, la... ouais, ouais, un million par année, vraiment, là, autour d'eux. C'est une vraie joke. Ouais. C'est une pas bougie bon. D'allumage. Ah, ouais, il fonce dans le tas. C'est notre Gallagher, quasiment, de ben, cette moins, année, là, un fond, peu là. Moins dans le trafic. Non, moins dans le trafic. Mais ouais, genre, moins, ben, c'est un gars acharné. Il est moins malade que lui. Il est comme pis il a un peu. Il a du cœur au ventre, là, jaune. Comme ben ça, le petit je veux dire, parce que un Gallagher dans la Ligue nationale, il y en a rien qu'un, okay, on s'entend là. Je veux dire, je veux même pas le comparer, mais il me fait penser. On dirait qu'il prend comme sa place en frais de but, là, tu sais, ben, puis en importance. C'est fou. Ce gars-là, il est en grosse crise de mission. C'est Paulie. Comme dirait ouais. Michel Therrien dans les extraits audio dans la deuxième période. Moi, je vais le donner à Bobby Farnham. Le gars qui cherche un client. J'allais voir Bobby Farnham. Celui qui veut faire une vente, là, il va te vendre un matelas pour t'étendre. Non, tu le donnes à qui, toi? Moi, je vais le donner à un. C'est des bons choix. Je l'aurais donné. Si ça n'avait pas dit Pacioretty ou Jean Byron, je l'aurais donné. Mais j'avais un autre choix en tête que je trouve qu'il vaut la peine d'être mentionné parce que il y a une couple de games que j'ai aimé le voir puis je suis content. Puis je vais le donner à Beaulieu parce que. Oh ouais, malgré le fait qu'il y a des games que genre je trouve qu'il y a, ils ont donné plus de responsabilités puis offensivement il prend de plus en plus sa place puis il va dans beaucoup sens. Plus il va beaucoup plus dans le fond puis il va beaucoup plus en attaque genre chercher la rondelle il fait ce que Markov faisait là t'sais, back in the days ben, il monte pas mal plus au net qu'avant puis ouais, mais il y a encore une certaine assurance à prendre en défensive pour genre être plus stable parce qu'il n'est pas encore super stable. Mais je vois des belles choses puis je vois des mauvaises choses. Mais dans les dernières games, je te dirais, là, il y a une couple de fois qu'il est monté puis j'étais comme. Puis il a scoré la dernière. Il a fait 3 points dans la game. Le premier but de la game. Ouais, mais c'est ça. Je trouve qu'il y a une couple de belles games qu'il a joué récemment. Puis j'aime ça. Ça va-tu durer? Je sais pas. Mais c'est mon temps plus longtemps. C'est mon plus récemment. Ce qui est de valeur, je pense que si Markov revient au jeu, il va rétrograder. Puis je trouve qu'il faisait une belle paire avec Belle paire. Hey, je te dis, vous faites une crise à belle paire, vous deux. Ouais. Puis sur le power play, ça peut être pratique aussi. Hein? Les deux vont la paire. Oh. Ben ouais, c'est sûr. Jeff et Nathan. Nate the Great. Ouais, non, ouais, mais tant qu'à donner un genre de plus pour de l'amélioration. Mais Karen aussi, je pourrais donner un petit plus. Ah ouais, mais Karen, il a bien pas, fait quand même. Il fait une bonne job. Il est pas encore là. C'est lui qui s'est battu à un moment donné. Là. Il est tellement contre les Panthers. Tu sais, lui, il a une portée de 8 pieds. Un bâton il est efficace de 12. À 4e ligne, il doit avoir 72 pouces de reach. Ben moi, de ce encore que j'ai vu, lui, je trouve il s'implique en crise, sérieusement. Il est bien meilleur que qu'est-ce ben qu'on avait vu. Il comprend son rôle. Oh, il y a catch-up. Il y a vraiment amélioré. Puis honnêtement, jouer dans la Ligue américaine, c'est pas parce que tu fais pas la job dans la Ligue américaine que tu vas arriver dans la Ligue nationale et ça va donner le même résultat. Non, c'est différent. Parce que la game est pas pareille. T'es pas placé dans les mêmes situations. Son rôle est différent. Son rôle est différent. Dans la Ligue américaine, il est genre comme d'un supposément top de l'équipe. Dans la Ligue nationale, il n'est pas d'un top de l'équipe. Là. Il est comme troisième trio. Là. Ça, c'est un joueur de soutien. C'est un troisième, quatrième trio. Ouais. Troisième trio correct, quatrième trio fort. Mais on voit que c'est pas le gars qui va. Il va pas sauver le Canadien. Qui va devenir un grand joueur, un grand passeur. Pis, non, mais c'est un bon gars de 3-4. Il y a eu beaucoup de comparaisons. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec Lucic quand il a été recruté. Mais c'est pas un Lucic. C'est loin d'être un Lucic. Le monde le comparait probablement à cause du physique, mais pas au niveau style hockey. C'est parce qu'on connaissait pas. Non, mais c'est parce qu'il comparait avec Lucic parce qu'il disait tout ce que Lucic a fait dans le junior, McCarron a fait mieux. Fait qu'il comparait à cause de ça. Ouais, mais pareil, c'est comme le junior et la Ligue nationale, c'est deux affaires différentes. Moi, je trouve que je dis que tu peux être bon dans le junior, puis arriver dans la Ligue nationale, puis être moins bon. Mais ça peut être l'inverse. Tu peux être bien ordinaire dans le junior, arriver dans la Ligue nationale, puis ça marche. T'sais, ça dépend du rôle, ça dépend de. Moi, je pense qu'on est en train de. Le meilleur exemple que je peux donner là-dessus, c'est que Maxime Talbot, c'est un marqueur de 50 buts dans le junior, puis quand il était dans la Ligue nationale, c'est un joueur de 50 buts. Mais gars, fin de checker la compétition de. la Coupe du Monde junior, là, comment le jeu est ouvert, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Mais tu vois que les gars sont en junior, encore en apprentissage. Pareil, là, ben, junior, oui, là. Si les gars sont faibles, c'est pas parce que, hey man, des fois, là, tu voyais des ouvertures, puis ils passaient à POC, direct où qu'il y avait un joueur de US. Les gens disent, c'est prendre la bonne équipe au moment. Ils n'ont pas encore la fraction de seconde. Ça prend l'expérience. Beaucoup de turnover. Ben ouais, c'est ça. Mais sérieusement, mais Aaron, tu le check, moi, je le check là, puis tu vois pas mal à quoi que sa carrière va ressembler, je pense. À ce moment-là, en le regardant, là, je me dis comme, bah, gars, tu vois à peu près à quel genre de joueur tu peux t'attendre à voir. Genre. Moi, mon souhait là, pour lui, c'est qu'il devienne un Brian Bickle, mais le gars qu'on a connu dans les playoffs quand il avait scoré une dizaine de buts. Là. C'est un gars qui est important et qui peut être présent. Là, Brian Bickle, je me tiens pour lui, je me tiens juste de Stu Bickle. Brian Bickle, c'est le gars qui a gagné la Coupe avec Chicago. Là. Il a signé un gros contrat par après. Là. En tout cas, c'est bon, il n'est plus dans la Ligue, ce gars-là. Oui, ouais, dans la Ligue. Il est avec la Caroline, il est blessé présentement. On a vu parler de lui. C'est sûr, il est blessé. Mais non, mais même pas blessé, Brian Bickle. Ben, c'est sûr, il est avec la Caroline. Ouais, t'entends-tu parler de la Caroline, point. C'est la Caroline, c'est parce que probablement qu'il y a eu une bonne saison, justement, à Chicago, ça allait bien. Ben, il a signé son contrat de 4 millions par année, puis là, ça a dégringolé. Puis là, après ça, il est allé en Caroline, puis genre, tu sais, t'es en Caroline, je m'excuse, Caroline! Ben, aussi, McCarron, là, on parlait d'apprentissage tantôt, il l'a ouvertement dit que cette année, la différence entre l'année passée et cette année, c'est que l'année passée, quand il allait dans les arénas, il était impressionné, puis quand il voyait, mettons, des joueurs comme, exemple, Tyler Seguin, il dit « Chris, j'ai joué au PlayStation, puis j'avais ce gars-là, hostie », puis il était comme un peu impressionné. Puis là, aujourd'hui, ça l'impressionne plus, ces affaires-là, parce qu'il est déjà passé. Ben, parce qu'il a vendu sur PlayStation. Il était là sur Xbox. T'as acheté Steam Link. C'est ça, tu sais, là, il comprend un peu c'est quoi la Ligue nationale. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis... Ben, quand tu comprends un game, ça change la game. C'est de l'expérience normale. Là, il a mangé son pain noir dans la Ligue américaine. Il veut monter dans la Grand Ligue. Il travaille. Les coachs, ils le préparent là-bas. Il a mangé son pain aux grains anciens. Il a arrêté de traîner sa poche, ce style-là. Les grains anciens, Mort, ça te connaît, toi. Les grains moyen-âgeux, là. Ah ouais, lui, là, il est tanné de s'apprendre moyen-âgeuse, man, là, d'un minor leaguer, là. Si Dernais, là, il revient au jeu, là, il mérite-tu de prendre la place de McCarron? Qui ça? Si Dernais revient. Dernais, il est en train de s'effacer. C'est plus l'inverse, j'ai l'impression. C'est plus est-ce que McCarron va prendre la place de Dernais? Je pense. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est que, ben, parce que tu sais, vu que Dernais, c'est un vétéran. C'est un genre de vétéran. Connaissant le Canadien, il va prendre la place de Mantel. Dis-toi bien que dans tes vétérans, le plus facile à débarquer de la game, c'est Dernais. Oui, mais en même temps, je pense que quand Dernais va être prêt à revenir au jeu, je pense qu'ils vont tasser des jeunes. Mais ils vont peut-être avoir la mèche plus courte. Dernais, moi, je pense qu'il... Ouais, parce que si on gagne pas avec Dernais dans l'alignement, il va juste remettre le ghost qui gagnait avant. Moi, Dernais, là, je vais dire, là, avec la game... Le là, quoi? Avec... Le ghost? Le ghost, t'sais. OK, j'ai compris, le ghost. Moi, là, je te dis, avec Montréal, comment ils jouent en ce moment, là. Ils ont ramené Gauthier. Montréal, comment ils jouent en ce moment, là. Chris, ils n'ont pas besoin de Dernais. Hey, non. Non, pas en tout. Ils n'ont pas besoin de Dernais, mais à Montréal, ben, puis je dis à Montréal, ça marche de même dans la Ligue généralement, man. Quand t'as un gars qui revient, tu vas aller. Ton gars là, qui était genre dans le club école, tu vas le retourner. Là, parce que tu l'avais amené pour une raison. Fait que quand Dernais va revenir, tu vas retourner McCarron. Tu vas faire jouer Dernais. Puis si Dernais ne marche pas ou qu'il n'y a rien qui se passe avec lui, ça tourne en rond. T'as la mèche courte en calice. Moi, là, je te dirais que... Faut que t'aies rien, ça demande à qui je vais gagner. De toute façon, il joue au centre. Mais Dernais, moi, je serais pas surpris. Ça n'a pas rapport, mais McCarron est à l'aile. Dernais, il joue au centre. Il joue au centre de ce temps-ci. Depuis son retour au jeu, il est au centre. McCarron? Avec le Canadien, il joue au centre. McCarron, oui. Anyway, Dernais, là, c'est revenu. Dernais, moi, je serais pas surpris que d'ici à la fin de la saison, ça se passe à FNAF, sa galerie de presse. Ça se peut. Ça se peut, man. Ça se peut. Comme je te dis, moi, je pense que le Canadien va avoir la mèche courte, surtout qu'il est en fin de contrat. Ouais, ben moi, si je serais je pense la pas ligue, que le Canadien là, va leur signer. Je ferais des tests pipi quand Dernais reviendrait au jeu. Ben ouais. Tu penses qu'il est sur le gros jus, toi? Non, je sais pas, on en parlera un autre jour. Il est à la sauce. Bon. Dernais, s'il revient, puis il est poche. Les infos tireurs de Dieu. S'il est poche, là. Il est mieux de comprendre. On n'aura pas de niaiser avec ça. En même temps, pauvre gars, il est 5 pieds 8. Ouais, je l'ai sur l'autre soundboard, celle-là. Faut que je me change de soundboard. Tu sais qui est, là. Il a 5 pieds 8, esti, puis il faut qu'il y ait dessus. Est-ce que c'était pas tête, ça, pareil? C'est ça qui est arrivé à la pratique. Allons-y avec Léono moins, parce qu'il reste pas beaucoup de temps à la période. Vas-y, on va être avec ton moins. Ben, on parle de tout le monde qui se sont démarqués depuis blessure. Là, je vois avec Plekanec pour mon moins, parce qu'il y avait une opportunité de reprendre sa place comme premier centre. T'sais, on a perdu deux joueurs de centre, fait que lui, il devait techniquement être en avant de Dano puis Mitchell. Techniquement. Puis Plekanec, esti, il est encore. il est blanc, tu sais, il est transparent. Il est... Qu'est-ce que tu veux dire? Il est encore en train de jouer du Christ de bout de bâton. Ouais, il va jamais dans zone. Il s'est pas amélioré. Il est comme du lait, genre écrémé. Ben, moi, t'as peu, t'as peu. Goût de pisse. Non, même pas du 1%. Sans bitcher inutilement pour lui, là, sérieusement. Tu sais, je pense que le monde, ils doivent tous comprendre pourquoi que ce gars-là est rarement blessé. Là. Il fait rien collis, ça. Il est pas dans le trafic, man. Il ne suit même pas. Le bet que t'as pris avec Alex cette année, c'était quoi? C'est que lui, il disait que Plekanec ferait 55 points et plus. Si, présentement, je m'excuse, Alex, mais t'es dans une grosse crise de sauce. Là. T'aurais dû préciser en deux saisons. Il y a 16 points en 39 games. Ouais, c'est fini, là. Chris, c'est joyeux. Si... Encore une fois, Alex va perdre un bet. Ah, il n'y a plus le feu sacré, le gars. Là. Ah, non, y a rien. Ben, il l'a jamais vraiment eu, je trouve. Qui a raison? Non, mais Il y a eu des meilleures années. Le Plekanec, au début, Ben oui, il a toujours été très frileux, mais au début, il produisait. Non, mais cette année, c'est juste trop flagrant. Plekanec, ça a été tout le temps un bon joueur en saison régulière, puis il se cachait beaucoup en play-off. Ben, en temps normal, il devait être dans le top 6. Il devait être notre deuxième centre. Mais on peut pas enlever à Plekanec qu'il a quand même apporté de bonnes choses aux Canadiens. C'est juste que là, on est dans le moment présent. C'est ça. Il est rendu aussi frileux présentement qu'il l'est en série d'habitude. À moins qu'en série, cette année... Oh mon Dieu. Mais ça, c'est pas parti pour ça. Sûrement parce qu'il dépense pas d'énergie. Wishful thinking. Une renaissance. Sérieusement. Allez voir la vidéo juste pour ce moment. C'est un moment-là, il était merveilleux en vidéo. Ça serait vraiment naïf de croire. Que ton moins, Mart, d'abord. Je crois pas moi-même. Mon moins, je n'en ai même pas appelé Plekanec parce que moi, ce gars-là, ça fait déjà. Il mérite même deux ans que je l'ai oublié, Chris, puis qu'il pelte les moins, man. Ben moi Dave stick toi t'as donné un plus à Beaulieu, moi j'aurais donné un moins à Beaulieu. Là une contradiction. Ouais. Fight. Ouais, moi non c'est pas un fight, moi je trouve Beaulieu je trouve que je le trouve mou en défense. Ben pas dans les dernières games. Il est lazy ass, le puck arrive sans voir pas. Ah oui, parce qu'il a scoré il a fait deux passes puis il a scoré un but. Il patinait avec le puck. Chris, la passion de moi je parlais de sa présence offensive, là. J'ai précisé la présence offensive. Le côté offensif, ouais, Beaulieu a tout le temps bien monté le puck. Non. Dans les dernières games, il était vraiment plus solide côté offensif. Il monte vraiment plus, puis il est pas mal plus présent dans la zone offensive que mais moi, ce qui me dérange, c'est quand le puck arrive dans sa zone. J'ai exactement précisé ça dans Moi, ça me dérange parce que Beaulieu, je m'attends que ce soit comme un gars plus solide dans sa zone, vraiment. Puis ça sera jamais un défenseur. C'est un gars offensif qui va être moyen à défendre. Parce qu'il perd sa défense. Parce que ça sera jamais un scoreur. Ça sera jamais un défenseur de 50 points, ni de 35 points non plus. Je pense. Fait que ben il est capable de monter le puck. Il devient un défenseur de 35 points. Il est bon. Ouais, mais il n'est pas là. Il devrait être là avant ça. Il n'est pas là. Je trouve qu'il est nonchalant. Mais pour le fun, Dave, c'est quoi la fiche de Nathan Beaulieu présentement? T'es-tu là-dessus? Ouais, je suis là. Il est sur back page en ce moment. 13 points. C'est ça. 13 points. Ce gars-là, il montrera. Bah, écoute, si. Mais écoute, t'es même pas à mi-saison encore. Il a 13 points. Puis il s'enligne pour une saison quasiment de 30 points. Moi, personnellement, je suis déçu. Dans ses 5 dernières games, il y a 5 points dans ses 5 dernières games. C'est quand même crissement pas mauvais. Là. C'est une bonne séquence qu'il connaît là. Ouais, c'est une bonne séquence. Ouais, mais en tout cas, peut-être c'est moi. Je donne son plus récemment. Je donne pas son plus depuis le début de la saison. Je contredis pas ton plus, moi, anyway, Dave. Je donne juste mon opinion sur le joueur. Le même exemple, dans le fond, que tu peux dire, c'est que le game contre Nashville, il était pas bon. Ben, il sait pas qu'il était pas bon. Qu'il était bon. Il a fait d'erreurs. J'aime pas son attitude. Et voilà. Ben là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un millénial. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais son attitude transparaît dans son jeu, je trouve. Je trouve ça poche. Je trouve que ce gars-là, il est pas... Puis pourtant, c'est un gars que j'aime puis que j'attendais à vouloir aimer puis vouloir voir évoluer vraiment solide. Ouais. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait 3 ans qu'on l'attend. Ça fait 3 ans cette année, j'attendais de lui, esti, qu'il me donne ce que j'attendais de lui. Mais attends, on dirait que je le vois arriver le bâton dans sa zone. On va voir quand les blessés vont revenir à défense, puis on va voir où ce que Beaulieu va jouer, mais je pense qu'on va voir des belles choses de lui. Une autre paire de manches aussi. Parce que sinon, Beaulieu pourrait devenir une monnaie d'échange sinon par la suite. Moi, Beaulieu, je le traderais. Moi, ça ne me dérangerait pas. Si tu le trades, dans le fond, c'est parce que tu... Moi, je suis en train de give it up, celui, là, dans le sens. Là, pendant là, qu'il y a encore un moindrement de valeur, là, puis encore comme toi, là, là, sa valeur, elle augmente un peu. Là, en lui, là, moi je vois pas d'espoir en ce gars-là, vraiment. Dave, vous dire qu'au moins, l'après est fini, fait qu'on va finir avec. Bon, moi, c'est Price. Non, c'est pas vrai. Le cul. Mon moins, Daniel Carr. Je l'aime pas, moi, ce gars-là. Je suis pas capable. Ouais, c'est pas le Daniel Carr l'année passée. Ah, je l'aime pas. On n'est plus en voiture avec Daniel Carr. Ouais, mais tu sais, il était sur un high, là. Baby, passée. Je m'excuse, mais baby, you can't drive my car. Si, m'en calisse. Non, il me fait pas triper, ce gars-là. Je le trouve boring. Puis il a une face de genre de mon oncle. Je sais pas. Il a l'air d'un gars qui s'appelle genre Serge Poisson. Il vient de Riverdale. L'année passée, il était hot. Il joue aussi mongol que Patch. Ah, il a comme une face de mon oncle. J'ai l'impression, quand tu le regardes, il a comme un mandat un peu. On dirait qu'il porte un dentier. Genre, je suis sûr qu'un mandat, il va perdre ses dents à la glace. Son dentier, ça arrive. Ça sera pas des dents, juste des dents tout seul. Ça va venir avec le palais au complet. Dans le fond, c'est parce que tu trouves qu'il n'y a pas d'identité. Ah, je trouve boring. Tu sais, j'aurais pu le donner, ce même moins-là, je l'aurais donné à Andy Righetto, mais tu sais, il joue pas. Parce que c'est un autre gars que je trouve. C'est un gars interchangeable. Sans saveur, là. Genre. Puis là, Carr, présentement, il a joué une couple de games récemment, là, puis il est sans saveur, ce gars-là. J'aimerais faire des recherches. On dirait qu'il essaye. Pour savoir s'il y a des gens qui ont perdu son dentier sur la glace pendant une game. Un partiel. Ouais, ça doit faire longtemps, tabarnak, là. Là, tu veux retourner dans les années 50, mon gars. Là. Ah, peut-être. Je sais pas. Carr, je le trouve sans saveur, genre. Là, et voilà. Il est vanille en calice. Là. Bah. Vanille. Vanille. Saveur, c'est vanille. Bon la vanille. Ben, non, mais vanille, c'est blanc. C'est blanc. Il est beige. Beige. C'est un green. Ouais. Ben, je sais pas, mais vanille d'une recette de crêpe, ça t'enlève une crêpe en sacrement. Ah. Ouais, j'ai faim, fait qu'on va aller. T'as plein d'autres affaires dans ta crêpe, calice. Puis tu me mets du sirop d'érable. Ben non, Chris, dans ta crêpe, t'as rien. T'as de la farine puis du lait, calice. Ok, toi, tu manges une crêpe nature. Pas de beurre, pas de sel. Non, mais j'appime pas après, je parle de la recette. Mais oui, Chris, je mets pas à Venise ça. Mais non, j'ai pas dit sel, j'ai dit sirop. OK, j'ai compris. Non, mais du beurre, la vanille, t'en mets genre un soupçon, genre reste une cuillère à thé dans une recette de crêpe, après ça tu vas te coller du sirop d'érable là-dessus. M'excuse, là, mais la vanille, là, ça a beau relever ta crêpe, là, mais c'est pas l'ingrédient qui te donne toute la saveur. T'as peu, gars, je vais te closer avec ça. C'est pas de ma faute si t'as pas de palais. Moi, la vanille, les petits crises de bâton qu'il faut que t'effoires pour faire sortir ça. C'est quoi ce petit niaisage-là? Moi, je prends l'affaire en pot liquide. Ben ouais. Moi, je me suis fait donner de la vanille qui vient de la République dominicaine, puis une cuillère à thé, tu mettrais jamais ça, mon gars. C'est dégueulasse. C'est pas de l'essence de vanille, c'est une affaire, là, tu mets genre. Une petite calice de gouttes, mon gars. Ah, là, ben ça, moi, goûte ça c'est la sœur à Caro qui nous avait amené ça. Moi, tout, j'en avais. Et ça, t'ouvrais le pot, même, t'avais mal à la tête. Fait que ça, on va aller faire une entrée pour vous la deuxième période. C'est quoi ton moins, toi? Je vais donner à moi avec la plaie qui me fait chier. Je vais donner à Carr, moi, avec. Yes! Je vais dire oui à toutes vos moins, en fait. C'est fait. C'est fait. Fait qu'on fait une deuxième entrée. Une première entrée pour la deuxième période. Moi, le cap plaqué, man, Steve se fait de la merde. On est de retour pour la deuxième période. Fait que ouvrez-vous une bière puis cantez-vous sur votre chaise. On est dans les extraits audio. On en a une coupe cette semaine. Tous en bas d'une minute. On a fini par comprendre qu'il fallait arrêter de faire ça. Des audios de 3 minutes et demie. Là. Puis j'ai également 3 vidéos après ça à vous montrer. Des buts et des blessures. Des buts et des blessures. La blessure de Gallagher. Entre autres. Et des buts de Weber et Radou. Oh. On l'aime, Radou. Bon, allons-y tout d'abord avec le bon Michel. D'ailleurs, Bergevin fait un retour marqué cette semaine dans les extraits audio. Il t'attend. S'ennuyait de ses expressions. C'est un petit bout qu'on l'a pas entendu. Bergevin le vrai ou la version Marc Labrèche? La vraie. Ah, c'est qu'il l'avait bien paré, Marc Labrèche. Hein? Ouais. Ouais, bon, conférence de presse de Michel Therrien après la game contre les Ducks. Je ne sais plus c'était quand, ça, cette game-là. Ça fait un petit bout. Fait que le bon Michel va nous parler de l'excellent Paul Byron. Paulie. Premièrement, il joue avec beaucoup de confiance. Il fait sa rapidité lui procure des chances de marquer. C'est un gars qu'on peut mettre dans différentes situations. Que ce soit en désavantage numérique. Donc, vu qu'il manque des joueurs, on lui donne l'occasion de jouer en avantage numérique. Encore une fois, mais il fait un excellent travail. Paulie, tu lui demandes de remplir n'importe quel rôle. Il l'accepte, puis il va le faire avec beaucoup de fierté. Correct, ça. Ouais. Pas grand-chose à racheter là-dessus, à part qu'il prend sa place, lui, contrairement à Plekanec, qui prend pas sa chance. C'est un peu ce qu'on disait sur T-Paul tantôt, là. C'est... Ouais. Non, Paulie. Paulie Shore. J'aime bien l'appeler T-Paul. T-Paul, ouais. T-Paul patate. C'est Bob qui l'appelle même. Puis il y a un autre extrait, justement, de Therrien, de cette conférence-là, qui est en anglais cette fois-ci. C'est une anecdote sur Paul Byron. On va le laisser pour voir si Michel parle mieux en anglais qu'en français. On va vous traduire en même temps. Non, because he's everything. You know, you look at him, first of all, the first time you've been, he's a small player. And and that's kind of a joke, and an inside joke. But it took a few games that to give him a chance to get in a lineup. If you can remember last year. When we got him, the team, we haven't lost a game, so I think he waited 4 or 5 games. I'm not quite sure. And when, as soon as we gave him the opportunity, I was really impressed, first of all, with his speed, with his work ethic, and he doesn't stop surprising me the way that he's playing. Michel est très surpris qu'il n'arrête pas de bien jouer. Michel, d'ailleurs, qui est un peu comme le méchant dans Bon Cop, Bad Cop, un accent dans les deux langues. Ouais. Bizarre, mon ouais. Michel. En plus, comme Justin puis Trudeau. Là. L'affaire que je pourrais rajouter là-dessus, c'est qu'il a expliqué aussi la première fois qu'il a vu Paul Byron, là, quand ils l'ont pogné au balatage, là, quand ils l'ont regardé, il a appelé la direction pour leur dire hey, I think we have the wrong guy. Parce qu'il était comme tellement petit, puis il n'avait pas le profil d'un joueur de hockey. Il... Non, je sais pas s'il a dit ça en joke, mais ça va l'air d'être vraiment. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il l'avait fait en joke. OK. Parce que je l'ai entendu ce soir-là, puis ça a l'air que c'était vraiment une joke. Ben oui, ils savent là, qu'ils sont allés chercher un gars de 5 et 6. Je veux dire, c'est pas des épais. Ils disent genre, je vais aller chercher Paul Byron. Ah, OK, c'est beau, va le chercher, puis je sais pas c'est qui. Bergevin, c'est. Je sais pas si vous le savez, là, dans le fond, la direction du Canadien connaissait très bien Paul Byron avant qu'il joue ce joueur à Montréal. C'est vous qui l'a pêché, sûrement. Marc Dimblack. Non, c'est Rick Dudley qui l'a pêché à Buffalo. Dudley Boys. Ils le connaissaient en tabarnak. Fait que quand ils ont su qu'il était en balatage, ils ont sauté dessus puis ils savaient exactement ce qu'ils allaient chercher. Pendant que tu parles des Dudley Boys, t'as Jerry à NXT. En même temps, je veux dire, Paul Byron, là, c'est ça qui est drôle. Quand tu checks son vidéo sur YouTube qui sort de lui dans le temps qu'il joue avec les Flames, il manque tous ses shots. Il manque tous ses breakaways. Ça, c'est plus comme l'inside joke de Paul Byron. Ça. C'est que Chris, il est comme brisé, le gars. Mais là, cette année, il met dedans. Ouais, c'est pas le biron. Ouais, c'est ça. C'est une question de temps. Le nombre de fois qu'il se sauve en breakaway, c'est sûr qu'à un moment donné. T'es efficace en Chris en désavantage. Ils ont tous manqué avec les Flames, ses chances de marquer. Là, il a pris de l'expérience. C'était l'air, là, parce que dans l'Ouest, c'est plus haut, les montagnes. C'est l'altitude. Fait que tes petits poumons sont pas assez hauts. Ils sont pas assez hauts. Je sais pas. Ils se remplissent pas assez. Un affaissement de poumons, le petit Paul. Après ça, il y a une conférence de presse de Bergevin. Je pense que c'est le bilan de mi-saison, c'est ça? Ouais, c'est on est rendu à mi-saison, là? Ben, ouais, pas mi-saison, presque, mais il fait toujours un bilan, genre après les fêtes. Je pense qu'on a quand même 39 games de jouer. Moi, là, sérieusement, ça a passé de rate, ce bilan-là. Moi, j'ai pas entendu ça, pas en tout. J'ai les meilleurs moments. Moi, j'ai passé une notification me dire qu'il y en avait une conférence de presse. Non, ah, mais c'est quoi? Mais le monde s'en crisse parce que le club est numéro 1. Ouais, c'est sûr. Quand le club va bien, le. Dev, t'as des gros mulons, poil blanc, c'est niveau de terre. Je te regarde, puis comme ça va y rester dans la bouche, ça va y rester dans la bouche. Ici, les micros sont poilus chez Young Media. Ça a vécu ces poils-là. Je sais pas, ça a dû vécu ces micros-là. Tabarnak. Ça, c'est... Fait que Bergevin, pour son bilan, ça va cette mousse-là. Quoi. Premièrement, nous parle de Al Montoya. On l'écoute. Premièrement, satisfait de son travail jusqu'à maintenant. Puis, 31 ans, il est encore très jeune. C'est pour nous, la masse salariale, le montant est idéal. Alors, bon coéquipier. Il a l'air d'avoir 39. Belle performance jusqu'à maintenant. Alors, on est très content de satisfaire de cette signature aujourd'hui. Ouais. Il a l'air bien plus que 31. Puis Montoya. Ah, mais en même temps, ils l'ont signé, c'est stratégique. Ah, oh, ouais, ben c'est pour garder ça. Sauver Price. Il l'a dit, j'ai cherché le bout, mais je ne l'ai pas trouvé. Là. Il a dit à un journaliste, il dit, je l'ai pas signé parce que j'étais obligé de le signer, sinon j'aurais pogné un gros moins cher au mois de mai. Ouais, non, c'est sûr, là, mais tu sais. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas le choix de le signer. T'espères quand même de l'avoir l'année prochaine pour être ton deuxième gardien. Ouais, ouais. Mais ça va faire moins mal de perdre Montoya que de perdre Carey. Clairement. Et on ne pouvait pas perdre Carey, c'était impossible parce qu'il y a une clause de non-échange. On aurait perdu notre premier choix au repêchage. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Il y a une clause de non-échange? Oui, quand tu as une clause de non-échange, t'es obligé d'être protégé. Ah, je pensais que je l'avais dit. Non, mais attends. Peut-être qu'on t'écoutait pas aussi. De quoi tu parles de perdre Carey? Non, mais attends, s'il n'y avait pas eu de deuxième gardien de but avec les Canadiens. Pour l'expansion à Vegas. On aurait perdu un choix repêchage, c'était la pénalité. Ah ouais, c'était ça la pénalité? Oui. Ah, OK. Pas si pire. Montoya, le goaler qui rajoute de l'action inutilement dans le game. C'est quel choix? Le premier. C'est le goaler qui te rajoute beaucoup trop d'action dans une game pour rien, le Montoya. T'es jamais sûr s'il va faire l'arrêt, la puck est un peu lisse. C'est le deuxième goaler. Il y a une couple de games shaky. Là. Cette game-là contre Dallas, là, mon gars, j'étais... Je suis content parce que ça fait deux games de ça qu'il gagne. Ouais, Tant mieux pour Al. Les deuxièmes goalers, de même, ils sont tout le temps. Ouais, mais quand l'équipe joue bien avant toi, ça aide. Ouais, ça aide. Ouais, mais là, c'est le contraire. C'est là que tu vois que. Ben, je veux dire, plus. Hein? Non, mais c'est parce l'équipe que. Tu jouait bien devant lui contre Dallas. C'est parce que tu compares avec Price. C'est ça, j'ai dit. J'ai pas comparé avec Price. C'est ça, je viens de dire. Quand l'équipe joue bien avant toi. Ouais, c'est pas. On a gagné. Ok, j'ai compris pas. Ben. Non, quand l'équipe joue bien. Ah, mais il joue contre. Ça va bien. On le compare tout le temps contre Price et tout. Je veux dire, Price, c'est meilleur goaler. Personne ne compare Montoya à Price. Non, ce que je veux dire, Mallette, tu catches pas. Tu c'est game, qu'on voit tout le temps Price goaler. Fait que quand on voit Montoya, Chris, on relève toutes les affaires qui sont comme anormales. À peu près les autres. Mais je veux dire, c'était un deuxième goaler. Lui, il sera pas premier goaler dans la ligue nulle part. Non, c'est pas ça que je dis non plus, c'est ça. Mais Montoya, il est à sa place. C'est un deuxième goaler. Puis un deuxième goaler, c'est tout le temps tout croche. C'est tout le temps comme. Tout le temps tout croche. Il est quand même pas si c'est pas tout croche, mais. C'est plus des arrêts acrobatiques. C'est pas aussi beau que Price. C'est plus en position, papa. Ses déplacements sont plus laborieux que ceux de Price. Price est tout le temps bien placé. Lui, il faut qu'il se déplace. Ils sont plus pris en position, puis obligé de faire un hostie de miracle, finalement, qui se retrouve comme écarté tout à terre. En fait, deux, trois hosties de beaux saves. Ouais, c'est contre Dallas, justement. Ben, ouais, Chris, il a reçu 44 shots sur le net. Tabarnak, il a fait des saves. Bon, mais en même temps, tu te dis, Chris. Pas sans se rappeler Dominique Hachek. Lui, il faisait chier. Ok, on va considérer que Bergevin, il continue. J'ai jamais revu un goaler pitcher son blocker là, pour faire un save. Là. Ni qui t'a monté cette semaine qui faisait des slashing de fou. Billy Smith avec les crises de slashing. On mettra une vidéo sur la soirée du podcast. Chez Gretzky, là, dans le ventre. Puis Ron Extall qui ramassait pas de vin. Billy Smith, c'était dégueulasse. Les slashing, genre 360 derrière le net avec son bâton. Direct dans les chevilles. Extall et tout faisait ça. Il faisait des slashing pendant que le gars est en arrière de son net. Extall, c'est... Mais moins violent. C'est Extall qui se battait avec pas de vin dans les affaires. Il passe bord en bord la glace, puis il enlève son équipement. Puis il patine, puis il enlève tout, mon gars. On mettra sa soirée du podcast vidéo-là. Ouais, Bergevin va causer son il attendait pas qu'un enforcer vienne faire la job pour lui. Non, la belle époque. Non, lui, il sautait dessus. Fait que Bergevin continue son bilan. Oh, on va scanner les pompons du championnat. On va commencer. On va leur jouer, ces débuts-là. Oui, monsieur. On va scanner les pompons avec le championnat. On va commencer par faire les séries. Avec le championnat, en plus. Du début de saison. Parlais-tu de la Coupe Junior? Bien sûr. Non, la Coupe. Parle de la Coupe, c'est le début du championnat. Chris, quand c'était un championnat régional. Chenyok, Markov, Desharnais, Shawnow. Shawnow. Nous autres. Mais toutes les équipes passent à travers les périodes difficiles. On voit Stamkos à Tampa Bay qui sont pas prêts avant le mois de mars. Écoute, c'est les réalités de la Ligue nationale aujourd'hui. Tu bâtis ton équipe durant l'été, puis tu espères pour le mieux du côté santé. Alors, ça n'a pas changé. Ça, satisfait, mais on a encore beaucoup de pain sur la table. C'est ça la Ligue nationale d'aujourd'hui. Tu bâtis ton équipe pendant l'été puis tu joues au hockey pendant l'hiver. Hey, ça a tout le temps été ça, la style Ligue nationale. Ouais. Je pense que Bergevin, finalement, elle parle beaucoup plus mal que Terrien. Ça n'a pas de bon sens. Terrien fait beaucoup son gage, mais Terrien, ça se fait ça tous les jours. Au début, ça n'a pas d'allure. On va se gagner le pompon avec le championnat. Le championnat! Champion régional, champion là, on régional va se calmer le pompon avec le... C'était sûr. C'est que c'est drôle, pareil, hein, les discos, comment ça change. T'as eu peur, là. Bergevin, quand il est arrivé à bord des Canadiens au début, c'est qu'on va aller chercher la Coupe Stanley, puis là, on parle de Coupe Stanley, on va se calmer le pompon avec le championnat. Ben, il y a raison. Les gars, je sais qu'il y a raison, mais c'est que c'est tout le temps du double discours, tout le temps, c'est tout le temps de la contrariété. Ben, c'est ses idées. Là, ils sont bien placés cette année. Vas-y donc, le championnat. Chris, mets-toi donc. Ouais, mais les gérants généraux, là, Mart, c'est des politiciens. Ouais, mais commets-toi donc un peu. C'est pas un gérant général, lui. C'est cette année que ça se passe. Directeur général, je regarde pour améliorer les cas. Ouais, ben justement, j'ai pensé à quoi, cette année que ça se passe, là. Ça se passe pas l'année prochaine. Bergevin, depuis qu'il était en poste, là, puis que les Canadiens étaient comme bien placés pour faire les séries, là, il a toujours bougé à date limite. Vanek, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tu sais, c'était le plus gros nom qui était disponible à ce moment-là. Depuis les gros guests. L'année passée, il a rien fait. Mais il a quand même été chercher d'un autre. On n'a pas fait des IA. Ben c'est ça. Mais tu sais, il n'a pas fait d'impact, un move majeur. Tu fais pas de move majeur. Ouais, mais il n'y a pas de move à faire. Non, mais chercher des joueurs pour t'améliorer. Ouais, il a toujours été capable de chercher. Ben ça, tu le fais pendant l'été. Tu vas faire des moves pendant la saison quand tu veux améliorer ton équipe pour aller genre d'insérer, faire de quoi. De plus, c'est ça. Là. Mais quand tu n'as rien à faire parce que ton meilleur joueur est blessé. Il a bien fait de beau bouger l'année passée. Bouge pas, cette année, on est bouge pas sa pression parce que t'as l'air de l'équipe soit qui veut vendre ou qui veut essayer genre de tout sauver ta saison. Toi, t'aurais été le premier, mettons, qui aurait bougé l'année passée, puis il aurait bougé un joueur dans le but de Chris quand que c'était peine perdue avec la. OK? Puis là, cette année, tu regarderais l'équipe et tu ferais comme tabarnak, il a été cherché ce joueur-là. Cette année, Steve Price est là, il est en santé. Puis là, on est pogné avec ce petit chandron-là. On n'aurait jamais dû trader. T'sais, ça retombe tout le temps dans ta face. Hein, ouais, mais là, cette année, d'après moi, il est en bonne fait, position finalement. Pour pouvoir faire un mot, pour améliorer l'équipe, pour aller plus loin en saison, pour s'assurer d'avoir l'avantage de la glace. Puis peut-être. Ouais, faire mais à chaque année, plus. On veut qu'il fasse un estimier. Regarde, on va se le dire, là, à chaque année, on souhaite tout le temps le calice de miracle. Là. Ça arrivera pas. Ouais, il a fait le miracle, il a changé Subban. Ah ouais, ouais, ça. Et justement, non, on parle. Il a pas peur de faire des moves, il les a fait cet été. Chris, il y a eu deux choix de deuxième ronde contre Lars Eller, puis il a été chercher Andrew Shaw. Il a pas peur de bouger Bergevin. Ah, mais Andrew Shaw, il coûte cher pareil. Ouais, il est quand même. Il coûte cher, mais check des playoffs, ça va être le genre de joueur, Marc, que tu vas dire, moi, je vais m'acheter un t-shirt. Mais il a mal starté, il a mal starté ah non, la saison, mais là, avant sa commotion, là, il était revenu. J'ai genre, pas Andrew Shaw, mais. J'ai hâte en Chris sa prochaine game contre Boston. Mais avec non, c'est la même affaire avec Bross et tout. T'sais, Bross, on l'aimait, mais t'sais, il était quand il même était bien payé. Bross, c'est ça qu'il a, ouais, mais il était quand même foutrement bien payé, le gars. Là. Pour ce qui valait. C'est ça, il faisait ce qu'il valait. Il était payé plus que ce qu'il valait, selon moi. On l'a eu dans ses dernières bonnes années, puis il nous a donné comme une super bonne saison, une deuxième saison popée, puis après ça, ça a commencé à être Il y a eu une bonne run la drop quand on s'est rendu en... Après ça, ça a commencé à être la drop, puis c'est pas... J'aimais Prost, là. Prost a été un excellent joueur, genre à Montréal, là, genre pour ce que donnait. Mais les blessures l'ont ralenti en Chris. Il gagnait quand même un bon salaire là, pour parce qu'il était que des gars que ça il gagnait il était, pas il était combien man il était proche 4 ouais c'était 3.5 ben non pas 4 millions par année non, j'ai pas dit 4 j'ai dit il était proche 4 il était genre 3.5 non il était dans les 3 pour vrai il me semble que ouais il était pas dans les 3 millions il était en bas de ça je pourrais pas le confirmer mais je pense sûr qu'il était pas loin anyway on va laisser Prof qui reste encore des extraits audio là dernier de Bergevin parle justement de transactions s'il faut qu'il bouge ou pas avec les blessés on l'écoute. Ça, c'est encore, tu m'envoies dans des transactions que je ne commençais pas à parler de transactions. C'est juste qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des prospects ici. C'est toute la majorité des joueurs sont déjà repêchés. Alors oui, notre futur est très... j'aime ça à défense avec Jolson puis Sergachev. Puis je vois la chance de les voir évoluer dans la prochaine semaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Les joueurs sont des prospects ici? J'ai rien compris de cette des affaire. Des bons prospects. Ah, des bons prospects. OK, ben ça fait le tour pour Bergevin. Tu reviendras, Bergevin. Juste pour... ouais, vas-y, avec Jean-Marc, c'est autre chose. Okay, Brandon Prost gagnait 2,5 par année. Ouais, 10 millions pour 2, pour 4 ans. C'est ça. Bon, c'est bon. Bon, ben c'était proche de la 4, ça. C'est la moitié. Fait qu'on revient sur Bergevin. Sur Terrien, en fait. Terrien a fait un commentaire. Conférence de presse après le match contre les Preds. Fait que le retour à Nashville de Weber et de Radu, c'est de ça que Terrien va parler ici. Différentes réactions de la foule dans les deux cas, mais c'était un match émotionnel pour ces deux gars-là, puis ça a démontré aussi l'esprit de corps, hein. Je pense que les nouveaux joueurs étaient prêts pour ce défi-là. Notre éthique de travail, encore une fois, ce soir, était extraordinaire, qui nous a permis de remporter ce match-là. Il parlait de quoi? Il parlait de... Le retour de Weber à Radu à Nashville. Ça, c'était malade. Là. Ouais, ça, c'était chapeau au Preds pour l'hommage à Weber. Puis bravo à Weber de ne pas avoir broyé sa glace. Il était sur le bord. Il n'a pas broyé, mais il avait les yeux bien vitreux. Moi, je vais te dire là. Que je pense qu'il a fait attention pour pas que ça arrive. Il s'est comme protégé de ça, là, on dirait. Mais tu sais, moi j'ai écouté au début, j'étais comme. Il respirait. C'est cool, très c'est ouais, non, il était. C'est un bon hommage. Puis après ça, je me disais, tabarnak, ils vont sortir de leur game avec cet hommage-là, eux autres. Là. En même temps, je veux dire. Il a scoré pas longtemps. Ouais, après. C'est ça. Mais en même temps, le gars, il a quand même été capitaine des Preds. Au pire, tu le fais avant à game. Il a été aimé à Nashville. Ouais, mais ils font souvent ça. Des anciens joueurs comme Koivu, quand il revient à Montréal, ils ont fait ça. Ils faisaient ça pendant la game. À Mané, ils sortent ça. Il y a un gros arrêt. Jeu, au lieu d'aller une pause. Puis à l'inverse, mais ça, bravo de pas d'avoir fait une pause. Je pense qu'ils font d'un arrêt. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ça l'a mis dedans, on dirait. Ah, mais Radu, je pense qu'il l'a eu parce que Radu, il a été avec. Il a tué, il a compté son but, je pense. Non, pas quand il a compté son but, mais quand il a fait une pause sur un but. À Pacho. Puis il a fait. Ouais. C'est ça. Ouais, mais. Ouais, puis il a fait le passage là-bas, puis ça a mal fini. Il n'a pas été repêché par les. Ouais, il a commencé là, puis il est parti avec la chef, il est revenu. Il est parti en deuxième, il est parti en ça. Il y a comme pas. Il n'a comme pas des mots. Ben, pas le même impact que Weber. Ça a été le mauvais Radu. Les mauvaises années de Radu. De là qui vient sa réputation. C'est de là qui. Puis finalement. Là, on a le bon côté de Radu en ce moment. Il a servi une carte de belle passe. On va l'avoir après, je l'ai en vidéo. Deux hosties de belle passe. Ça, c'était bon, gars. J'ai une question. La passe à Pacioretty, mon gars. À la fin, ouais, mais Chris. Regarde, non, c'est rien. C'est ça. Ça, c'est très visuel. Ça. Pendant que vous vous lichez le bout de doigt, là, j'ai une question pour vous autres. Ici, c'est Carl Finger. La question qui tue. Ta-ta-ta-ta. Ouais, vas-y. On va-tu faire Subban, on va-tu y faire un vidéo hommage aussi? Non. Fuck off. Mais non, tabarnak. Non, il n'y a pas l'impact Weber à Nashville. Il n'y a pas l'impact. C'est au mois de mars, la game des Preds. S'il n'est pas blessé, puis qu'il est là, est-ce que. Est-ce qu'il va se faire huer? Non, je pense pas. Non. Je pense qu'il va se faire plaisir. Non, mais tu fais pas une vidéo hommage. Il va se faire ovationner même. Tu fais pas une vidéo hommage à Subban parce non, que. Non, c'est je pas dis, le même impact. Parce que, rapport. Je veux dire, l'autre, il était capitaine de cette équipe non, pendant ça, quoi, ça 8 ans? Non, ouais, c'est pas pareil. Il n'y a pas eu le même impact que. Non, c'est pas eu le même impact partout. De loin. Il a même pas eu les années que l'autre a eu en tant qu'influence sur son équipe. Ouais, Subban, là, c'est plate, là, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était un bon débarras pour tout le monde. Puis l'autre affaire que j'ai trouvé assez spéciale... À part pour Saint-Justine puis les enfants. Puis pour Nashville. Pis, ouais, mais en même temps, Saint-Justine puis les enfants, ils leur donnent quand même l'argent. D'accord, là. Ouais, mais ça, c'est hors glace. C'est même pas Saint-Justine. Les affaires les plus marquantes, ça n'aurait pas été... On dirait que Subban, ça a juste été comme la... La star médiatique. Le divorce imminent, là, tout le monde t'a tanné de lui. Comme ils l'ont dit, il y a une affaire qui est spéciale aussi, c'est que Dave Poile, il a fait une conférence Dave de presse. Dave Poile. Ben, c'est ça son estime, non? Poile. Ça se dit Poile, là, mais... Okay. Mais Poile, c'est sympathique. David Poile. Ça fait David Poile. Mais comme à Radio-Canada, alors oui, alors l'entraîneur David Poile. David Poile, il a déclaré à la conférence de presse qui s'ennuyait de Weber. Oui, ça se dit pas, me semble. Non, pour un directeur général, hey, je m'ennuie du gars que j'ai échangé pour Subban. C'est chien pour Subban? Ouais, mais c'est pas. Ouais. Tu verrais-tu Bergevin dire je m'ennuie de Subban? C'est-tu implicite de dire que tu t'ennuies d'un joueur? C'est implicite de dire implicite. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça. OK, mais c'est, dans l'histoire du sport professionnel. Si tu t'ennuies de Weber, ça veut pas dire nécessairement que t'as fait un mauvais trade puis que Subban te fait chier. C'est juste que. Mais pourquoi tu t'ennuierais de lui? Mais mettons que ça marche c'est pas. C'est chien pour Mike juste, Fisher. J'essaie juste de faire l'avocat. Je sais, mais t'as pas été capable parce j'essaie que dans le fond, tu réalises que... J'essaie de défendre son poids. Hey, gars, hey Dave, t'essaies de défendre. C'est pas bien simple, un défendre. Tu verras pas Bergevin ou Terrien. Hey, on s'ennuie de Piqué. OK, il reste deux extraits. Puis la période s'achève. Il y a certains aspects de Piqué que tu peux quand même t'ennuyer. Ah ouais, quoi? C'est son style farfelu. Ben non, mais c'est belle montée. Genre, je m'ennuie l'été d'aller à genre Just for a Laugh. C'est belle montée, puis c'est 3-4 spinoramas en zone défensive. Sa cafetière dans son walk-in, puis tout ça. Son beau chapeau mauve avec son beau crisse de manteau de poêle. Non, t'as pas ça? Ouais, c'est ça qu'il a acheté chez Tristan. Son beau wardrobe. Calme. Fait que ben la vanne est finie, messieurs. Il n'y a plus d'audio aussi. Il en reste deux, mais pas laisser les mettre. Je vous ai dit d'arrêter de parler. Là, en tout cas, je m'ennuierais certainement pas de son slap shot, là. Télégraphié. Ah ouais, son slap shot. Hey, avec à moi. Avec la lumière dans le plafond. Et Chris, avec la shot à Weber qu'on a ici. Ah, c'est tellement destructeur. Ça tue du monde, notre shot. Ça tue même les coéquipiers. Des mains explosent. C'est comme un Robocop. C'est comme un porte-avions, man, qui tire, hosti. Ouais, c'est une belle analogie, c'est mon GF. Hey, moi, ça me rappelle, Steve, man, les Américains, les avions, Steve, qui tiraient sur l'Irak, Calis. Ouais, ils ont perdu. Les mecs explosent comme dans Terminator. Non, c'est dans Robocop. Avec Red. Avec Red Foreman. Oh, Kurt Wood Smith. C'est quoi son nom là-dedans, lui, déjà? C'est Lawrence Bodycat. Ouais, c'est ça. Steve m'a fait peur, ce gars-là. Ah ouais, à la fin, c'est hot. Fait que deux exemples. Il est rentré par le truc de lait, là. C'est encore Terrien. Ça, c'est genre le bout, genre, qui est genre l'autre. Ah, il est dans l'acide, là. Puis l'autre, il rentre dedans avec le truc de lait. Ce qui reste, c'est Terrien après le match contre les Stars. Probablement, Terrien va nous parler des succès récents de Pacquiao. Ah, oh, il est solide. Il joue du hockey. Il est inspiré. Il prend charge. Charge. Son éthique de travail est exceptionnelle. Ça te demande d'un leader. Les autres suivent dans ce temps-là. Donc. Réussi à marquer des gros buts, mais je le sens très déterminé. Pacho, d'ailleurs. Il y a quoi, 3 buts gagnants, je pense. 2-3 buts gagnants. Je veux voir ça. Je veux voir. OK. Je veux voir un gif d'un slap shot de Weber. Puis qu'après ça, tu vois la main dans Robocop éclater. Non, tu vois. Je m'en occupe. Laurence Bodicker se faire éclater au complet par le truck de lait. C'est dégueulasse. Remplace le truck de lait par la POC. Après ça, on met des bouts de Universal Soldier quand il passe dans le truc là pour. C'est quoi le Monsters Batters? Où est-il dans la nature? Où il est rendu? Dans la nature. Dans le compresseur. Avec Dolph Lundgren qui passe dans genre de Moissonneuse Batters. Il y a une affaire de Pacho qui est arrivée aussi. Là. C'est lui qui a gagné le ben, il a égalisé le record du meilleur marqueur de l'histoire du CH en prolongation avec 8 buts. C'est ça. Quand même, bravo Pacho. Puis il y avait une petite parenthèse. Il l'a battu ou il l'a égalisé? Il l'a égalisé. Il y a comme une erreur. Le monde se sommait là un peu. Il disait qu'il avait battu au début. C'est ça, mais il y a eu une correction. Ouais, mais là, tu sais, à ce temps, les prolongations, c'est rendu en 3 contre 3. Ça n'a plus rapport. C'est... Non, c'est correct, ce chose. Ben, c'est Non, c'est, je sais, mais les records, ça n'a plus rapport. Ouais, la game est différente. À ce temps, Rusty, ça monte, ça descend, ça revient, pas un but. Mais tu sais, on pourrait dire ça pour toutes les stats d'avant, quand il y avait la ligne rouge. Il y a toutes sortes d'affaires qui ont changé depuis le temps. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'on a pas encore dit. La game a changé. Ouais, mais c'est ça, c'est des records. Ça, c'est des records. C'est des records quand même. C'est une estime belle affaire pour remplir l'auge à cochon de Pierre-Route. Ben, ça. En fait, là, c'est plus, c'est plus des hosties de records pour genre savoir quoi dire entre les périodes parce qu'ils savent tellement pas quoi faire. Ça, là, c'est des hosties de records, genre pour juste comme engraisser RDS. Et voilà, il n'y a pas juste RDS. Il y a une affaire qui est drôle aussi. Tu vois que Pacho, il est de bonne humeur, c'est en site. Il a gagné le pot pour la game qu'on a joué, c'est qu'il a scoré le but gagnant pour la prolongation. Il a gagné le quoi? Tu sais, quand un ancien joueur joue pour son ancien club, il met du cash, puis si tu comptes un but, je vais te donner de l'argent. J'espère que ça se fait plus. Ouais, ça se fait encore parce qu'il avoué ouvertement que c'est lui qui a gagné l'argent. Puis le journaliste dit « Ah, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? » C'est un journaliste de TVA Sport. Puis il le regarde et il dit « Moi, t'as acheté un nouveau suit. » Il a dit ça? Ouais, il a dit ça pour vrai. Ça. Nice. Il y a une audio là-dessus. Cool. Chris, mais honnêtement, j'aime ça. Là, j'ai vu une couple d'entrevues dans les dernières games. Là, puis, asti, je vais le dire, il avait l'air d'un capitaine. Mais c'est sûr que si tu commences, ça va bien. Quand tu commences, ouais, attends, dans un slow. Ça allait bien au début de la saison, puis il avait pas l'air d'un capitaine. Ça parce que lui, il allait pas bien. Il se corrait pas. Là, il va bien. Là, il y a de l'air. Là, il y a de l'étoffe. C'est sûr. Il a repris de la surface. J'ai aimé ça à la dernière game, je pense. C'est la dernière game, c'est contre Dallas. Il a dit, parce que c'est vraiment back and forth, là. C'était comme il compte, on compte. Tu sais, c'était tout le temps comme un après l'autre. Puis il a dit, ah, là, ils ont gagné en prolongation. Puis il a dit, j'ai aimé notre équipe, on a eu beaucoup de caractère, on est revenu fort. Puis tu sais, il parlait comme du groupe. Le groupe. Ben là, on est une équipe soudée. Il est un bon capitaine, mais il va devenir un meilleur capitaine. Non, mais c'est pas un bon capitaine. Devenir un meilleur capitaine. Laisse-moi faire. Quand il va agir de même dans un slum dans lequel il va être pogné, là il va être un bon capitaine. C'est ça. Là, c'est faut ça pas ça qu'il boude quand que lui va pas bien puis l'équipe non, mais c'est ça. On parle parce de que ça. Là, c'est parce c'est que là, on est en train de dire qu'il est un bon capitaine. Non, parce non, que non, monsieur Scott. Non, j'ai dit. Comment il agit devant un les bon médias. Capitaine. J'ai dit que dans les dernières entrevues, il avait l'air d'un capitaine. Il est de bonne humeur. Il est impliqué. Mais j'ai pas dit c'est un bon capitaine. Ah, Charity, c'est un bon capitaine. Non, moi, je trouve que c'est pas un bon capitaine. Mais j'ai pas pensé que tu ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est quoi? Il y a un an et demi d'expérience. Il y a juste un an et demi d'expérience. Il va l'apprendre, la job. Ça s'apprend pas, c'est inné. Non, c'est un an. Ouais, mais tu deviens toujours un meilleur capitaine. T'es pas le même capitaine quand tu as commencé, quand ça fait 5 ans. Mais oui, ça s'apprend. Mais l'attitude va jouer pour beaucoup. Tu peux devenir meilleur. Tu peux devenir meilleur capitaine. Tu peux devenir meilleur capitaine que tu étais l'année d'avant. Ben oui. Mais tu deviendras pas capitaine. Tu n'es pas capitaine instinctivement. Tu le sauras jamais. Koivu, à la fin de son mandat avec les Canadiens, t'es un leader né ou tu es un bon capitaine? Exact. Ben oui, parce que dans le fond, lui, c'était toujours dans la chambre. T'sais, c'était pas un gars qui parlait. C'est un hostie diviseur. Koivu, c'était un meilleur capitaine. Le gars, il était capitaine pour fucking 11 ans. C'était un meilleur capitaine et c'était un hostie diviseur. Non. Oui, mais c'est un meilleur capitaine quand même que Pacho. C'est pas une spéculation, on le sait tous. C'est pas parce qu'il appelait Ribeiro, Dagenais, puis Théo, des très amigos, que c'est un mauvais capitaine. Dernier extrait pour finir la période, encore une fois, de Terrien. Il parle des succès de l'équipe malgré les blessures. On l'écoute. Ben, c'est la détermination. Hein? Ah, donc, oui. Je trouve, parce que tu peux avoir un paquet d'excuses pour remporter ces matchs-là. Parle de qui? Mais les gars... L'équipe. Encore une fois, ce soir, tu regardes le début de match, les 10 premières minutes, on était encore déterminés. Ça a été un petit peu plus, je dirais, plus difficile en deuxième. Mais tu regardes la troisième, ils ont tout donné ce qu'ils avaient à donner. Donc, raison pour laquelle on est capable d'avoir du succès. c'est dur à expliquer, mais l'éthique de travail, pour moi, mes joueurs là, sont est extraordinaire. Tu sais, l'éthique de travail, là, tout le temps bon. Fait que merci Michel et merci Marc. Sur ce, on va aller faire une deuxième entraque. On revient à la troisième période avec des vidéos de du Canadien et Around the NHL. Ouais. We're back. Hey. On est retour pour la troisième période. Hey, cette période, vous avez commencé par la 50 et par le gouvernement du Canada. La bière préférée de Justin Trudeau. Oui. Bonjour, je suis Justin Trudeau. Il reçoit des Chinois, genre, puis il est comme, il y a une 50 sur la table avec du vin rouge. Là. C'est merveilleux. Bon, avant d'aller sur Around the NHL, j'avais des extraits vidéo pour vous, mais ici, il y en avait trois. Par rapport au Canadien, il faut qu'on va checker. Tout d'abord, on va regarder la blessure de Galchenyuk. Hein, enfin, de Gallagher. Ouais, pas de Galchenyuk, de Gallagher, excusez. On y va, ici. Regardez-moi l'écran, comme ça. Away. C'est ça des cross, hein? Yes! Fait que là, on voit le but. Ah là, il s'en va, il est pas content, là. Parce qu'il a reçu quand même le stats, même, puis le jeu continue, puis t'es pas trop sûr de ce qui se passe. Puis là, après ça, il y a le but qui va se passer. Mais on va le voir se pogner à main. Fait que dans le fond, il reçoit le slap de Weber, ses doigts, encore une fois, sur la même main qui s'est blessée l'année passée. Pas à même place, par contre. Parce qu'on vous rappelle qu'il y a... Regarde comment il pogne en plus dans le chandail, dans le bar. Il était... Ils ont pas montré, là. Tu l'as pas, ça, là? Les... Je sais pas, après, peut-être qu'on va le revoir, là. Mais hey, man. On le voit ici, là. Il reçoit sa main, là, mais c'est ça, c'est la quoi, même c'est main. Le joueur des Stars qui lève son bâton? Ah, j'ai pas remarqué. On va le voir. Gallagher, là. Gallagher, quand il reçoit la pop, il était au banc, là. Il était... Mais c'est clair, tu te blesses à la même place qu'à l'année passée. Il frappait partout avec, ben, il était sur ses meilleurs moments aussi. Parce que ça doit faire mal encore lisse et tout. Là. Non, mais il y avait ouais, mais oui, il avait sûrement mal, mais tu sais, c'est sa grosse adrénaline. Il avait l'air, sa face était en crise. C'est ça, parce que dans le fond, ça pognait la même main qui s'était blessée l'année passée aussi. Par contre, c'est sûrement le même os. Ouais, on vous rappelle qu'il y a plus qu'un os dans le même. Comme dirait l'excellent blog de marde. Ah, regarde ça pour le call-out. On va non, tous mais participer. Gallagher avait dit, genre, suite à sa blessure qu'il avait eu l'année passée, il dit, tu sais, c'est sûr, ma main, elle redeviendra, genre, jamais 100%. Ce qu'elle a été au parapluie. Puis là, tu dit, repognes la main, genre. Si, là, ça repogne la main. Ça, ah. ça fait très chier, ça dépend. Il était sur une bonne séquence, puis malheureusement, il va être au repos. Fait que, ouais, mais c'est à l'image de sa saison. C'est comme une saison à oublier pour lui. L'année ouais. passée aussi, c'est une saison à oublier pour Gallagher avant qu'il... L'année passée, c'était pas mal tout le monde, la saison à oublier. Ouais, il y a ça aussi. Sérieusement, l'année passée, c'est comme... C'était Chris Moussa dans les abysses, man. Puis... Deuxième vidéo que j'ai, c'est le but de Weber à son retour contre les Prédateurs avec une magnifique passe de Radu. Rolling Rock! Oh yeah! Checkons ça ici. C'est alors, jaune voilà. en Chris. Hein? Ouais, c'est jaune en esti. Ping! Il était content, notre bon. C'est un riche bon chien. C'est lettre jaune de même, pareil, man. C'est exagéré. Ça va de bon sens. Hey, mais... Les numéros sont là. Tout est là de ce petit jersey-là. Man. Hey, c'est moutarde. Ça fait les comme casques. Une équipe collégiale. Les bandes hey, sont jaunes. Les casques sont la bivitrée, man. Le style, les séparateurs dans la bivitrée, c'est jaune. Ouais, ouais, mais le taux de bande jaune, je trouve ça. Mais non, mais c'est partout de même. Mais c'est parce que tout est jaune là-bas. Fait qu'on dirait que ça lève le cœur. Je pense que Weber était vraiment content de se carrer. Ça a dû lui faire de dropper un peu de pression d'être à. Ok, ouais, tu parles en haut, toi. Ouais. Ouais. Ouais, le bas est tout en jaune. Le bas est tout en jaune. Non, je parle du haut. Le top de la bande est jaune. Le haut, à la limite, c'est correct. Qui que c'est? Ouais, c'est hot. La petite bande de plexiglas. Ah, c'est en ça, bas. C'est un wrist shot. Tau. Ouais, ouais. C'était même pas un plan. Non, c'était même pas un wrist shot. C'est juste comme un clock. Il a juste comme swingé un peu. Ah, c'est un wrist shot. Ouais, ben, ce genre de snap un peu. Snap wrist. C'est comme snappé, ouais. C'est un lancer franc. On va le prendre quand il passe. Un tir frappé. Voilà. Mais il était pas frappé. Non, c'est pas un tir frappé. C'est plus comme entre un snap et un show. C'est comme pop. Il a juste popé, genre. Et, troisième extrait, le but de Radulov. Radulov contre les Stars, un magnifique but, on va le mettre ici. Ça, c'est le but gagnant. C'est le but gagnant. Si ça, check-moi le gars, beau là. Radu aussi. Hey, check les rentrées en trombe. C'est qui est beau à voir, hein? Sacrément. On l'aime-tu, le beau Radulov? Le pire, c'est que le Gory était déjà couché à terre. T'as-tu des hosties de main, man? Ah, j'ai pas pris l'image, Jeff, t'avais envoyé de comment mettre son casque en NHL. Là. Passe entre oui, les deux joueurs. Je pourrais l'envoyer. On le mettra, ça. Il passe entre les deux joueurs des Stars. On va le revoir, là. Clenche. Puis je pense qu'il a envoyé chez Roussel ouais. aussi. À ouais, fait, je pense hein. que ouais. Parce ah, ben il s'est pogné avec toute la game. C'est ça, il y a une prise de bec. C'est ça, comment il passe entre les deux joueurs. Boum! Tain! Il est plus fou. Il y a des hosties de main. C'est pas le gars le plus. On le signe, tabarnak. Mais c'est même. Il y a un bon speed, par exemple. Ah, correct. Il... Comme là, il rentrait quand même pas. Il fait penser un peu à Malkin, où il va accélérer pas, juste. Ouais, je trouve c'est slow un c'est peu. C'est pas Paul Byron. Quand il est pas slow. Quand il change de gear. C'est pas un Kovalev. Kovalev était slow. Lui, il est pas mal plus vite que Kovalev. Mais je pense que sa hang fait qu'il a l'air plus rapide qu'il est. C'est comme un tank. Plus comme un tank. Si on compare au dernier joueur aussi extant que lui, qui était, selon moi, Kovalev. Kovalev. Était slant. Était slow. Lui, c'est parce qu'il contrôlait la rondelle. Ouais, mais Kovalev, c'est ses mains, man. Ça avait juste pas rapport. Mais je veux dire, il était excitant à voir Kovalev aller, mais tout était comme au ralenti avec Kovi. Kovalev, c'est meilleur. Ouais, parce qu'il ralentissait tout avec son stick and leg. Il était tellement malade, man. Ouais, c'est ça. Lui, il rentre beaucoup plus rapide. Mais c'est pas Paul Byron, là, mais Chris, il rentre. Quand c'est le temps, style des ailes. Il y a un bon. Il y a un bon genre kick down, genre. Ouais. Quand il en a besoin, il va chercher son speed au bon moment. Lui, c'est comme s'il a pesé sur une nitro. Radulov, là, quand il rentre, il rentre à tête basse, il manque. Il calisse du nos, man. Ouais, il est comme. Il est compact, là. Ouais, c'est ça, c'est des bananes. Il rentre tête première. Lui, quand il rentre dans la bande, ça doit faire un man en calisse. Ouais. Fait que c'était mes extraits audio et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Malade. Around the NHL. Ouais, c'était fort en crise dans mes oreilles, cette affaire-là. C'était fort en tabarnak, puis c'était écœurant le call de mort. Malade. Juste avant, on va parler de la Ligue nationale. Malade. C'est fou. J'ai jamais vu rien. J'ai jamais pensé celui-là qui reste à Saint-Jean, là, qui est aussi animé que quelqu'un, genre, tu sais, qu'un BS, qui sont les Z-Boys à la galerie, là. Ah, yeah, ça va être malade. Ouais, voilà, si la parade de la Saint-Jean passée, ça va être malade. Check bien ça avec ma bière. Check bien ça avec ma bière, puis mon Lazy Boy sur le balcon. Avec mon Lazy Boy, genre. Hey, check bien ça, les gars. On va descendre un matelas par la fenêtre. Check ça, comment ça. On l'échappe à terre. Si tu mets sur un nouvel appart d'un HLM, ça va être malade. Fait que Bartley s'en va coacher en Lettonie. Ben oui. Je vais aller coacher les Lettons. Il retourne à l'étranger. Ouais. Oh, ouais. Ben voyons. C'est Jeff qui a ces informations-là. C'est ça, dans le fond. Ça, c'est-tu des insights? Non, c'était confirmé. C'est le gars qui est posé à la tuile, c'est Bartley qui a dit ça. C'est confirmé, c'est mentionné. C'est ouais, mentionné. Je suis sûr que ça a été annoncé en premier à Jean-Charles Lajoie. Ben, c'est reçu Hartley à tous les soirs à son mic. Ben non, fuck Jean-Charles. T'as-tu commencé là en Diva? Ben non, c'était confirmé. Fait que Bob Hartley. Ouais, ben non, c'est le nom que je te coche tant que je t'expliquerai sans coulisses. Fait que là, c'est ça. Explique-moi sans coulisses. C'est au micro. Qui c'est Jean-Charles Lajoie? C'est une diva, Gigi? Jean-Charles Lajoie, il contrôle 91.9. Puis s'il y a quelqu'un mais qui. Mais c'est lui, c'est son. C'est ça, mais... c'est lui qui a crissé Villeneuve dehors, là, dans le fond. Ben, c'est. Tu sais, si mettons, il t'aime pas à face, il crisse dehors. Puis il fait. Genre à cause de Villeneuve, tu parles? C'est le seul qui a crissé dehors? Non, non, il y a plusieurs gars qui ont perdu leur job à cause de Jean-Charles depuis qu'il est là. Qui? Des noms que je peux pas mentionner. Ben, t'as gueule, là, Sty. Tout le monde est encore là, il y a personne qui a changé, je l'écoute tout le temps. Ben non, mais c'est parce que c'est pas nécessairement du monde animateur, mais c'est du monde peut-être qui travaille au niveau de la production. Dans les coulisses. Il n'y a pas grand monde là-dedans. Dans la coulisse de coulisses. C'est la coulisse, tout le monde perd deux jobs, là. Des salauds, il y en a partout, là. Et voilà. En tout cas, j'ai... c'est ça. Ma blonde s'est faite congédier enceinte. Pendant son congé de maternité. Donc, vive la Lettonie. Lettonie, va aller coacher les Lettons. Pauvre Letton. Ben, tant qu'à ça. Bartley, vas-tu revenir dans la NHL un jour? Ben, j'y souhaite. Fort probable. Ben, pourquoi pas? Ça, va toujours, ça dépend toujours de la tête qui va rouler, genre, dans la Ligue nationale. Dès qu'il y a une tête qui roule, les joueurs, les bons coachs qui restent vont revenir dans parce que présentement, il n'y a pas de bon coach qui n'a pas de job, me semble, dans ma tête. Pas tant, je pense pas. Y a pas en fait, il y a des mauvais coachs qui ont des jobs. C'est ça, mais il n'y a pas de genre Bruce Boudreau. Alex, salut son livre. Son club, il a amené le Wild du Minnesota, premier de la division quasiment. Ah, ben j'aime pas Bruce Boudreau. On l'aime pas, mais Chris, il donne ouais, les mais résultats. Ouais, mais sauf que Chris, il va faire pareil comme avec les Ducks. Quand on va arriver dans les séries, ben Bruce Boudreau. Parlant de coach qu'on aime pas, Claude Julien est tough, hein, pareil. Ouais, mais lui, c'est le max. Là. Ouais. Ben d'après moi, s'il arrive de quoi, si mettons, si Boston fait pas les playoffs, ils vont le mettre dehors. Chaque année, Boudreau, il est next. Ils vont tourner avec Henri. Pas Boudreau, Julien, excuse. Ben c'est ça, moi je pense que ça va passer. Si Boston fait pas les playoffs, Boudreau. Quand tu dis Boudreau. Mais la fois qui me fait rire avec Boston, on parle de ça un peu, là, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont faire une gaffe, genre qu'ils vont payer super cher pour un joueur, puis le joueur ne durera pas comme il l'aurait espéré. T'sais. Ouais, mais tu sais. Ben, ils ont fait une crise de gaffe là, pas si longtemps, là, une couple d'années déjà. Laquelle? Ben, c'est game, man. Oh mon Dieu, mais c'est une belle gaffe. Ben, ça, c'est la direction qui ont agi en imbécile. Mais t'sais, en même temps, il n'y a plus personne en haut qui est encore là. Non, puis Julien, c'est pas le. C'est pas le. C'est ça, puis Don Sweeney. Hein? Mais c'est... Cam Neely, man, c'est lui le style d'émotif. Ouais, mais c'est pas lui qui a crissé ses gains. Ben, c'est lui qui a donné l'ordre à Chicharelli. Faut dire que. Ouais, parce que Cam Neely, là. Hey, avez-vous vu, man, comment mec Aaron a passé Zdeno Chara comme. Comme Zdeno Chara, il avait l'air d'avoir. Les deux pieds dans le même bâtiment. Il achève Chara, là. Hey, oui. Mon gars, il t'a l'a pas. La game contre Dallas, là, avez-vous vu le coup de coude de Steve Kemelin il a donné? Eh oui, as-tu été suspendu? Non. J'en reviens pas. Il n'y a pas eu d'appel. Moi, je capote, man. Il te l'a ramassé sa tête. C'est un coup de coude franc. Direct sur le menton, man. Honnêtement, là, ça, je sais pas pourquoi ça n'a pas mérité. Kemelin a mangé ça, ça y est. Non, il l'a fait. À Roussel, je pense. Ça, je comprends pas comment ça n'a pas mérité une suspension. À Roussel? Je sais pas c'est qui. Je pense que oui. Je pense que c'est Roussel. Mais ça honnêtement, ça méritait une suspension. Il te l'a ramassé solide. Il te l'a ramassé dans les 10 notes. Là, il est arrivé. L'autre, il avait la tête penchée pour ramasser le puck. Puis il venait de passer. Non, mais il s'en allait le plaquer. Quintal est en vacances. Il s'en allait le manquer. Fait qu'il a dit c'est comme au passage. Je vais sortir le coude. Sortir le coude, le pincer direct. Quintal est en vacances. Puis il faut s'entendre sur une chose. Roussel, il est une petite grande gueule. Il a peut-être pas une assez grande gueule parce qu'il a pas été suspendu. Emeline. Non, moi, je te parle de Roussel. Il y a eu un... Antoine Roussel. Le Canadien français. Move on. Qui aurait comme eu un... En français, avec le premier. Comme Emeline avec ses genres de dents de corquis, là. Il y a comme un asti de gueule d'un râteau, là. Qui ça? Emeline, de voir qui ses dents, même. Ouais, mais c'est fait opérer sa gueule. Emeline, asti qui a 3 kids, là. Oui, ça, je suis surpris. Il y en a-tu 3? Il y a 3 kids, ta tabarnak, là. Ah, mais c'était tough. Il n'y a pas rien que ça à faire, élever des kids. Lui, il est là pour tuer du monde dans la bande. Lui, il est là pour faire des bébés. Puis lui, là, il est là pour gagner des games. Dire à sa femme, Rousnisnousla. Ça veut dire qu'il va rester à la maison. Lui, il est là pour amener son équipe à gagner un match 10-0. Puis Chris Saint-Yepchak, t'es un genou à un gars. Juste que je n'ai pas dire une insulte dans une langue que je connais pas. Brouski, brouski. C'est sûr que. On fait du Google Translate. Tes insultes, toi, d'habitude, t'es dit en français. En français? J'aimais mieux pas dire en français. Français. S'il vous plaît. Celle-là, j'aimais mieux pas dire en français parce que c'était tellement vulgaire. Deuxième point, Jagr est devenu le meilleur marqueur de la Ligue nationale avec. Il est fini! Meilleur marqueur ou meilleur pointeur? Parce que c'est 1891. C'est quoi le vrai pointeur? C'est pointeur, parce que marqueur, c'est pour les buts. C'est le meilleur pointeur. Parce qu'il y en a qui disent marqueur. Ouais, c'est demandant à Pierre Houde. Ben, qui a chié? On va à la passerelle. Pierre? Chez Weber. L'affaire que je me demandais, là, c'est que. On est allé chez Weber. Antonin Gutobin. Écoute, il est à quoi, mettons, à peu près? Mettons, j'ai arrondi les chiffres. Il est à 110 points de 2000. Gutobin. Il est à 109 points. Il se rendra pas. OK, je vous le dis. Mais si, mettons, là. 109 points, ça dépend, il joue combien de games? Combien de Il va-tu rejoindre l'année prochaine? Ça va y prendre 5 saisons. Yager, il va-tu rejoindre l'année prochaine? Je sais pas. Peut-être, ça se fait. Il a dit à quoi? 44? 44, je pense. Ah, non, il vient d'avoir 45. Il peut se rendre jusqu'à 50, moi, je vous dis. Y a-tu 45? Ouais, ça n'a pas de sens. Je suis sûr qu'il joue encore 3 saisons. Calisse, Montoya, il a 31, il a l'air d'avoir 45. Mais il a du vécu d'en face. Yager. Non, il n'y a pas de cheveux. Il y a guerre aussi, il fourre encore des filles de 19. c'est ça le secret. Déguisé dans un costume d'Adam. Je suis sûr que Montoya, genre, il fait comme. Oh, si j'ai passé le temps de ça. Il y a guerre, lui, il est encore. Ouh, avec son marlette, tu peignes par en arrière. Ah, il n'y a pas de marlette, il a les cheveux longs à cette heure. Ses cheveux poussent plus. Il est plus actuel. C'est une façon de parler, là. Je veux dire, il y a encore une touffe. Il y a encore la belle chevelure. Mais ça serait une belle histoire s'il serait en 2000. T'sais, mettons, signe à Vegas. Il est à combien, là? 1891? Ouais, 1891. Il ne prendra pas à 2000. Ben, ouais. C'est quoi? Il est deuxième dans la Ligue nationale. 1800 combien? Il est à 109 points. C'est vrai qu'il est derrière Gretzky. Il n'est pas derrière Gretzky. Hey, il est 109 points. Il est deuxième. Il est deuxième. Mais t'as marqué JF, le meilleur marqueur de l'histoire. Il est deuxième. Deuxième. Deuxième meilleur marqueur. Il manque le deux. Faute de frappe. Je pensais que tu avais dit la bonne affaire en plus. C'est faute de frappe. Enlève Gretzky parce que ça a comme ça pas rapport. Ouais, Gretzky a pas rapport. Il est comme à part. Ouais, parce que c'est comme... possible qu'il se rende. Il se faisait slasher par Billy. Il peut pas. Il y a genre 2000, je sais pas 2380. Combien. 2380. Il y a des saisons de 200. Il y a plusieurs saisons de 200 quelques points. Ça n'a pas de bon sens. Mais par contre, il y a ça n'a même pas rapport. Il y a guerre. Si hey, Dave, comme dirait les autres, c'est une bibitte à part. C'est une bibitte à part. Ouais, mais s'il n'y aurait pas été dans la KHL, peut-être qu'il y aurait eu des chances. Mettons, il y a quoi? Il a manqué 4 ans. Pas d'aller chercher 2300. Il était à 1891. Non, rajoute, mettons, non, 3 saisons. C'est 500, quasiment 500 points, ça, c'est beaucoup. Là. 500 points, je fais ça. Il fait pas 100 points par année, là, des dernières années, Jagr. Ouais, ça, je te dis, Jagr, pour aller chercher, vrai, genre, pour aller chercher 1900 points, là, 2000 points, il faudrait qu'il joue encore au moins 2 saisons minimum. Ben, la saison n'a pas fini. Là? 2000. Il était à 1800 quelque deux chose. Deux saisons minimum. OK. Non, moi, je dirais go for it, man. Il était à 1800 quoi, tu dis? 91. Ben, il faudrait qu'il joue au moins deux saisons. Il fait plus 50 points ouais, par là, saison. Mais il reste une quarantaine de games. Mais non, Chris, il fait 35 points. C'est hein. Ça. Fait que, il faudrait qu'il joue minimum deux saisons ben, encore ça, là, après l'année prochaine. Il reste 40 games cette année. Hey, c'est sûr que c'est trois saisons. T'es beau, Ray. T'as raison, par contre. Forget about it. D'après moi, ça serait une belle histoire. Forget about it. S'il joue deux saisons, il se rapproche du 2000, il va s'aller pour une troisième à temps partiel pour essayer de faire le record. C'est Warrior quand même. Ouais, mais je le ferais. Je le ferais, puis entre l'équipe qui veut le signer. Ouais, c'est ça. Ben, là, Vegas, ce serait une belle histoire. Ça ferait de quoi pour Vegas? Ouais, Vegas, c'est un ancien gambler, Calis, qui a tout perdu. Ouais, mais on s'en fout de ça. Il est super joué. Merci, Martin, d'avoir remarqué. Oui, voilà, Vegas, la tentation aussi. Ah, ouais, ça, à Vegas, certain, mon gars. Il se ruine, en fait. Dans le temps de New York, mon gars. Il va faire l'histoire, mais pour les mauvaises raisons. Jagger, l'homme qui s'est ruiné en fin de carrière. Il va encore jouer encore. Parce que Jagger, il s'est ramassé surendetté à un moment donné. C'est pour ça qu'il est dans la cachette pour pouvoir payer ses dettes. Ah, c'est ça, ouais. C'est ouais. Des cœurs. Le prochain point, on va revenir sur Don Toretta. C'est des cœurs! Mon Jeff, j'ai marqué les Blues Jackets. Tu fais bien des fautes, aussi. C'est les Blues Jackets. Mais ça, c'est mon café n'est pas encore fini à cette heure-là. Les Blues Jackets. T'as pas mis tes deux les Blues Jackets. Fait que les Blues Jackets ont remporté 16 victoires d'affilée, ce qui les propulse au deuxième rang dans la plus longue séquence de la Ligue nationale. Blues Jackets. Après, c'est Paris, je pense. Non, c'est les Chicago. Les Chicago. Chicago, c'est combien? Chicago, il y a 21. J'aurais préféré, Malotte, que 21, tu dises 22. Le Chicago. Game? Le ouais. Chicago. C'était pendant le lockout. Mais bon, c'est terminé. Ils ont perdu pendant hier. Oui, c'est vrai. L'année du lockout. C'est vrai. Il y avait eu un os. C'est surprenant que ça vient des Blue Jackets pour commencer. Parce que qui l'aurait cru que ça se rendrait là aujourd'hui? Personne n'aurait mis leur argent là-dessus. Qui aurait cru que Bob Rovski aurait une saison de même? Ça serait digne du musée de Ripley's Believe It or Not. Oh! Believe It or Not, mais... Il y a un défenseur là-dedans là, qui est impressionnant en tabarnak, puis il a juste 19 ans, c'est Zach Werenski. Ce gars-là, là, retenez votre nom, là, ça c'est un gars à prendre. Moi, j'en tiens le mien. Je vais dire, ben, franchement, ma lettre, là, je leur tiens tellement bien que si j'ai même plus besoin de checker mon bâtisseur. Puis aussi, le premier joueur descendre, il a échangé Ryan Johansson pour Seth Jones, qui est un excellent mot. Parce j'aimerais ça si tu me dis Seth Jones. Son père joue au basket. Puis, son père Jones. Jouait sûrement au basket. Ben oui, il jouait au basket, ça. Son père, j'imagine que... Son père jouait pour les Denver Nuggets. Peut-être. J'imagine que son père ne doit plus jouer à grand-chose. Pourquoi est-ce que c'est un suicide? Ben non, son père doit le suivre. Puis Alexander Wenberg, un Suédois de 19 ans, lui tout, là, nous sent numéro 1 à Blue Jackets. Est-ce que ce soit quelqu'un dont on se calisse? Wenberg! Voilà. Ben non, Chris Wenberg, c'est un esti de joueur à prendre dans ton pool. Hey, c'est quoi? J'aimerais mieux que tu dises. Tu l'as même pas mis dans la liste. Okay. Non, parce que je pensais pas qu'il serait bon de même. Mais Dave, c'est un. Donc c'est pour ça que t'es pas premier dans le pool. Ben non, mais Chris, je suis monté de 50e à 13e, c'est pas méchant. Là. Pas méchant. Non, c'est vrai. Mais Dave, d'ailleurs, tu parles dans le top 10, moi, de gens dont on se calisse. Hey, Chris, tu me donnes comme un objectif de dépasser, mon esti. Je me donne comme objectif de dépasser. Mais ça, pour les joueurs qu'on se calisse, notre ami Alak s'est retrouvé au balotage pendant les fêtes et n'a pas été réclamé. Et il a joué dans la Ligue américaine cette semaine. Il avait-tu un t-shirt avec son arrest-up marqué Alak dessus? J'en ai aucune idée. Le monde a encore à Montréal. Il aurait dû garder Alak. C'est dégueulasse. Il aurait dû garder Alak. Alak ou Price? Alak, Price là, ou Alak? Moi, là, tout ce que j'ai à dire, c'est Karma's a bitch pour Alak, man. Bon. Ce gars-là, là. Pourquoi Karma's a bitch? Pas sa faute. Je sais pas, il y avait de quoi, mais je l'aimais pas. Ouais, tu l'aimais pas parce que t'es un fan de Price. Il n'y a pas d'affaire de Karma, man. Alak, c'est pas un haïssable. T'es pas été bloqué par son gérant. Son gérant m'a bloqué sur Twitter. C'est pour ça que tu l'aimes pas. Son gérant, il doit pas juste être gérant d'Alak. Tu dois bâcher, c'est tous les joueurs du gérant. Ben, dans le fond, Chris, c'est le même gérant que conseiller Drouin l'année passée. Puis là, il a dit, en début de saison, là, ce gars-là. T'es comme un directeur du gérant. Pourquoi tu suis gérant d'Alak avant de ça, on s'en calisse gérant d'Alak? Parce que j'aime ça suivre des gens controversés sur Twitter. Puis, lui, il a fait des hosties de commentaires bizarres, hein, ce gars-là. Ben, dans le temps de Price puis Alak, là, il te sortait des hosties de commentaires, genre, pourquoi tu fais goaler Price, les stats d'Alak, c'est ouais, ça. Ouais, c'est un épaisse, gars. Ouais, t'es incapable. Puis, Le Gérard Alan Walsh. Walsh. Alan Walsh. Walsh, ouais. Ah, en début de saison, je ne sais pas si vous en souvenez, là, ce gars-là, il a carrément callé out la direction des Islanders en voulant dire là, il n'y aura pas de ménage à trois chez vous. Là. Échangez-moi Yaroslav. Puis dans le cas de Drouin, c'est parce que ce gars-là, il met une pression sur ses joueurs inutiles en sortant dans les médias par faisant des gros calls. Il fait mal paraître, puis il les met dans la marde, je trouve. Ben, wow. Déjà que les joueurs ils prennent des décisions, sont pas bien, puis là, ils se font rajouter par ce gars-là en plus. Ils se font. Ils se font emmener dans la mauvaise direction. Puis c'est Alak, un genre de Tortoretta. Alak, là, qu'est-ce qu'au contrat qu'il a à 4,5, là, puis là, c'est un gros de l'Américaine. Là, c'est genre rendu de Don Tartinade. Alak est rendu dans la même catégorie que Brent Scrivens, puis là, c'est rendu que Alak, l'année prochaine, il pourrait même se retrouver dans le KHL. Ah ben, gars, c'est quoi? Ben, tu sais quoi? Ben, voilà pour lui, ça va lui donner une calotte. Hein, ah, bien voilà. Bien. Salut les cons. Ça finit-tu le drame sur les hosties de pro à là qu'on peut tout envoyer chier? On s'en calisse, gars. Les pro à lac, elle est tous sur le cercueil. Les affaires comme ça, ça change pas. Il y a encore du monde sur MIRC. Ça changera jamais. Moi, j'ai juste une annonce à faire pour tous les fans d'Alac, ceux qui restent encore. Allez tous vous bouffer une tartiflette. Ouais. À une bonne tartiflette. Bouffez-la de manière moyenâgeuse. On leur a dit. C'est ça, prenez-vous la moyenâgeuse. Il me reste deux petits points around the NHL. Et le prochain, il va avoir un visuel à regarder à l'écran. Parce que c'était la soirée canadienne chez les Capitals et les partisans. Les personnes pouvaient s'acheter de la poutine. Pardon? La soirée canadienne chez les Capitals. Ouais, à Washington, au domicile des Capitals, ils ont fait une soirée canadienne parce qu'ils jouaient contre Toronto. Il y avait-tu des ceintures fléchées? Non, mais il y avait un repas spécial. Et voici pour ce que ça avait de l'air, la poutine. Une poutine! Ah! Bon, dans une poutine, premièrement, c'est pas du fromage râpé parmesan. Il n'y a pas d'hostie de piment rouge. Ça a été fait où, ça, là? Ça a été fait là-bas. C'est ça que t'as acheté à Washington, là. C'est dégueulasse. Ceci n'est pas de la fucking poutine. C'est des oignons, hostie! Non, mais j'ai vu la photo sur Twitter à penser. J'arrête okay, ça. Mais j'ai vu à Toronto, il n'y a pas longtemps, une game qui diffusait, puis là, il faisait comme « Yeah, in Toronto, you can eat poutine. » C'est comme pourquoi tu peux en manger là-bas? Là. Hey, la crise de poutine avait l'air dégueulasse. C'est-tu qu'ils ont montré une fête? À cette heure, à Toronto, t'as des gens des poutines-villes. Je comprends. Même à l'Ouest. Mais ce qu'ils ont montré, c'était pas une poutine. C'était genre une frite sauce avec du fromage râpé. Ça, c'est pas définitivement pas une poutine non plus. La sauce a l'air mais attends, là, ce que je trouve... Je vais le dire, ce que je trouve dégueulasse, là, c'est. On est présenté par la poutine? Les Canadiens, mettons, hors Québec, essaient de s'approprier la poutine comme étant un mets du Canada, comme notre mets national. Fuck you! Tabarnak! C'est québécois, ça va rester québécois. Votre poutine, c'est de la style. Donc, man, j'irais même pas faire manger ça à mon chat, calice. Non, mais c'est vrai. Garde ton corps là. Quand j'avais le gars, genre de Sportsnet. Tu sais, quand ils montent des footage de la ville, là. Tu sais, genre pendant une game de hockey, ils reviennent d'une pause, ils montent des footage de la ville. Le gars est dans un food truck, là. Et il monte comme la genre de poutine, puis il fait comme Yeah, in Canada, we eat poutine. Là, je suis comme What the fuck, man? Le gars de Sportsnet, il parle de poutine, puis je suis comme C'est pas ça une poutine. Dis-leur donc de manger de la tartiflette. Ah, c'est dégueulasse. Mais dans le post Twitter, mange de la tartiflette. Je pense que c'est un Instagram, sauf que c'est un post Twitter. Dans les commentaires, t'avais tout le monde en bas qui mettait des photos de This is real poutine, de cette gang de cave. Puis tout le monde nous répondait comme qu'est-ce que c'est ça, calice. Ça, c'est une bonne idée. C'est quoi, mais tout le monde s'en calice. Attends un peu. Que, mettons, Washington fasse une soirée canadienne. C'est quoi le rapport? C'était qui l'équipe contre qui il jouait? Toronto qui dit, ouais. Que Washington fasse une journée canadienne puis qu'il fasse de la poutine qui a de l'air de ça, OK. C'est une vraie honte. Je m'en calisse. Je peux comprendre. Ils savent pas c'est quoi. Que le reste du Canada dise que genre la poutine, c'est comme un mets national. Fuck you! Mangez toute la merde. Venez manger une vraie poutine ici au Québec, calisse. Puis... Arrêtez de vous approprier notre mets, calice. Trouvez donc votre hostie de mets canadien qu'on se calisse. Genre un spaghetti meatball. Là, tu m'as donné le goût de faire une poutine demain chez nous. Une poutine maison, c'est jamais aussi bon qu'au resto. J'avoue, je vais l'acheter au resto. Parce que tu sais, va te l'acheter, man. Tant que t'es pas chez Valentine. Sais-tu quoi? Investis un 20$ sur toi et puis sors. Parce que qu'est-ce qui fait une poutine? Mais sur toi, c'est qu'est-ce qui va faire une bonne poutine? C'est les fromage. Frites. C'est les... Mais non, du fromage, tu peux en acheter du bon à l'épicerie. Ouais, c'est les frites puis la sauce. Ouais, c'est vrai. Si t'as des bonnes frites puis de la bonne sauce, tu peux juste te coller du fromage. C'est vrai, c'est vrai. Le secret, là, une bonne poutine, selon moi, là, sérieusement. c'est non seulement le fromage, mais ça sent beaucoup aussi ta sauce. Ça bouge beaucoup dans la sauce. Non, le fromage, là, le fromage, c'est un petit peu empoigné du bon, l'épicerie. C'est pas un bon fromage culinaire de qualité, mais moi, je te dirais, ça va surtout chercher vraiment dans la sauce. Tu vas te pogner un bon Saint-Guillaume, mais c'est à l'épicerie, puis c'est super bon dans ta poutine. Quelle, ouais, poutine de luxe. Tu sais, sérieusement, t'as pas besoin d'aller jusqu'à la ferme Guillaume, OK? Pour t'en pogner une bonne sauce. C'est quoi, il est à 10:35 là? Là, on est local. Ouais, ben, tu vas à ferme Guillon. Tu vas à ferme Guillon. Là, tu vas pas au tonton. Martin, tu vas à ferme Guillon. Puis là, après, t'as liberté ton fromage. Ta bonne sauce. T'arrêtes au tonton. Hein? Tu vas voir Ginette. Ça fait 20 ans qu'elle travaille là. Elle est bonne. Elle donne une qualité de service. Tu peux pas sortir ta langue, par contre. Elle donne un service après-vente. T'as pas le droit de sortir ta langue. Bon, puis dernier point, on a eu la liste des capitaines pour le match des étoiles à Los Angeles cette année. Vous écouterez. Bon, Dave, vous avez des gars. De live! JF, va chercher des napkins. Oh shit, ça où? Ils sont à côté de mon lavabo. J'en ai des yeux. Puis là, en plus, c'était direct devant la caméra. Fait que là, c'est vraiment un bon moment pour venir voir vidéo. Dave a fait le spiel de l'année. C'était un beau. Hey, c'est le spell de l'année. Chris, l'année vient de commencer. Suivez la jasette pour avoir tous les détails yeux, sur, dans le front. Sur sortir sa langue au 10:35. On a déjà parlé. Il est surrénal, bien plein. Fait que moi, je vais dire les derniers points. En fait, la liste des capitaines pour le match des étoiles à Los Angeles. Donc, le match qu'on se calisse. Ouais. Division Atlantique, Carey Price. Division Métropolitaine, Sidney Crosby. Pacifique, Connor, le McDavid. Et Division Centrale, Piqué Subban. C'est correct, c'est ça. Fait que c'est ça les noms, voilà. Ben oui. Dave, t'es-tu épongé la face, là? Épongé la face! Il y en a des yeux, c'est-tu? Bon, ça y est, on a perdu Dave, s'il est blessé. Ouais, mais là, je veux dire, ça finissait sur le match des étoiles. Ouais. C'est quelle date, ça? C'est fin janvier? On sent fin janvier, c'est le 29. On sent qu'on le style de rendez-vous Mickey Mouse de la Ligue nationale. Le style de rendez-vous raté. C'est le fun quand t'es petit. Non, mais c'est le rendez-vous raté qu'on essaie d'apprendre toutes les affaires des autres sports. Oh, tabarnak, Dave. C'est moi qui fais des dégâts. C'est pas de niveau, cette table-là. C'est toi qui n'arrête pas de bouger, mon gars. T'es chaud. Si, t'as renversé Scott Towell. Ça y est. Bon, calice. Bon, ben les gars, il reste un truc pour finir le podcast, et c'est les call-outs. Et je crois que cette semaine, on va pouvoir tous participer aux call-outs parce que... Ben, il y a des choses qui se passent chez les petits blogueurs, fait qu'on va y aller pour les call-outs. Moi, je veux juste vous dire que... Bon, mais je vais faire... Alors, non, Jeff, faut faire la cette semaine, alors, on va voir dans le rayon des pamplemousses. On demande à la commis un rayon des... Si, ouais, ça vit mes oreilles, ça fait des massages. Ouais, ça a piqué, Anastie, mes yeux. Ouais, ça va être deux roteux. OK. Tabarnak. Comme chez Valentine. Alors! Ils sont un pouce d'un de l'autre. Puis en ce 6 janvier, je pense que je vais faire plaisir à plusieurs personnes. Ouais, vas-y, JF. Ça sent bien. Hockey 30. Wow! Il était temps, là. Hockey 30 avec leur pause qu'ils ont faite sur les... je trouve ça plate de dire ça. Les blondes les plus laides des joueurs du Canadien. Là. Pause vraiment stupide de leur part, là. Hey, monsieur Hockey 30, c'est quoi son vrai nom à lui? Je sais pas, on le dira pas directement, mais si vous voulez aller chercher sur le registre des entreprises, vous allez pouvoir trouver très facilement son nom. Envoie-moi ça en DM sur Twitter. Ben, je peux te dire après si tu veux, mais je veux juste pas le dire en live. Ok, mais au monde, on va t'appeler Hockey 30. Ouais, Hockey 30. Hockey 30, je me visualise dans ma tête, là, puis t'as l'air d'un gars assis en jogging, tabarnak de chez vous, avec des taches de sauce brune sur tes pantalons gris. Je sais pas c'est quoi ton problème. Peut-être que tu t'assisais en avant dans l'autobus scolaire quand tu étais au primaire. Non, mais lui, il était dans le short bus jaune, là, le petit bus réduit. Là. Probablement, mais je sais pas. Là, t'es vraiment attardé mental, sacrément. La fois qui me rend triste dans tout ça, là, c'est que 126 000 personnes qui suivent ce gars-là. Hey, rendez-vous donc service, déshabillez-vous donc. Déshabillez-vous donc. Désabonnez-vous donc de ce compte-là. Est-ce donc est 30, tabarnak? Toi, là, t'as toi, là, la fille avec les... La petite fillette de cours d'école qui graffigne, est-ce quand quelqu'un te crache dessus, là, on s'en colle, est-ce que tes crises de pause? Premièrement, t'écris comme un enfant, est-ce un chien avec même pas de pattes écrirait mieux que toi? M'a dit comment il écrit, moi, il écrit comme une écolière avec une main d'imbobette qui écrirait dans son journal intime, tabarnak. Hein, trois, oui. Quatre phrases avec des majuscules. C'est-tu, t'es ta maternelle, calice? T'as un bloc de hockey, fuck you, est-ce quoi ça? Continue, Jeff. Puis tes affaires d'amputation sur Gallagher, puis tu mets des photos de blessures de l'année passée, là. Non, mais tabarnak, Asti, fais-tu exprès d'être cave de même, Asti? Y a-tu quelqu'un qui te payes pour faire ça. Sacrément. Quand tu cherches ton chemin là, pour te rendre chez vous, tu te cries sur le doigt dans la gueule pour voir le vent il pousse de où, esti. Non, mais sérieux, là, à un moment donné, je pense que si je te rends compte, là, mon devoir est de te faire la morale. S'il va te faire confesser, calice, je sais pas si quand t'étais petit, t'as vécu un traumatisme de quelque chose. Là, va te mais... faire confesser. Ben, ça n'a pas d'allure, man. Ces acides d'infos de tabarnak, là. Ah, non, il doit porter un chandail avec un loup dessus, là. Je sais pas, là, mais... Hey, esti, je me suis acheté un chandail avec un loup à New York. Fuck you. Non, mais, ouais, là, mais... l'affaire avec eux, OK, on chiale souvent sur les blogs, comme 25 cette année, puis DLC, puis... On va le dire, là, leur contenu, il y a du monde qui s'intéresse, de savoir des potins pis tout. Hockey 30, c'est du fucking clickbait à chaque fois. Ah, il y a jamais donne. Rien. Pis t'as le petit culot de venir dire « Voici les blondes les plus laides du Canadien. » Tabarnak, c'est quoi cette affaire-là? On est en 1952, est-ce-tu? Non, mais c'est dégueulasse. Après ça, il fait gang. Des... C'est une petite gang de consanguins. Après ça, il fait des posts genre « Oh, Gallagher va devoir se faire amputer. » Pis là, c'est comme deux lignes qui marquent Gallagher se rebaisse à la main. Oh mon Dieu, trois petits points. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ben, ça fait que c'est des revenus publicitaires, pis c'est du clickbait, pis c'est ça que le problème, il doit faire de l'argent avec ça. Arrêtez d'aller lire ces hosties d'articles. C'est de la calisse de merde. Le pire, là, c'est check, mettons, ces genres d'articles-là qui postent, là, sur Twitter, Facebook, whatever, parce que moi, c'est souvent des partages sur Twitter que j'ai pognés. Check aussi. Les commentaires. Mais tout le monde n'arrête pas de chialer. Twitter ou c'est Facebook. C'est ça que je comprends pas, c'est que le monde a wesh, mais il est super. Vous êtes vraiment du garbage, vous êtes tout de la merde. C'est la... Ouais, c'est parce que le monde vous... est. Mais vous les suivez quand même. Moi, ça fait deux ans, j'ai dit que c'était ça. Mais ça baisse pas, là. Je les ai jamais suivis. Mais plus il y a de la controverse, plus le monde en regarde, probablement. Hey, j'ai même entendu Maxime Martin envoyer chier à Energy l'autre fois là, quand ouais, il a fait ouais, l'affaire plutôt, des contre les femmes. Ouais, mais, je veux dire, ça, Chantal Maccabée, ça c'est bon pour eux autres parce que quand tu fais parler de toi, genre, tu fais parler de toi. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, ça marche. Ça t'attire quand même du monde. Mais généralement, t'as des épais qui vont aller sur site-là, puis ils vont faire comme. Il fait de l'écho. Avec ton genre de rod fade-out, là. Ah mais bref, non, c'est n'importe quoi. 126 000 personnes, sérieusement, là. Mais t'as des épais qui vont aller sur ce site-là puis vont dire « Nasty, man, Sophie Thibault, c'est une reptilienne. » Peut-être, mais tu sais, 25 années, je peux comprendre, c'est des rumeurs de blondes, de joueurs, du monde s'intéresse. DLC, c'est des rumeurs dans les coulisses puis ça se pogne avec d'autres journalistes. D'ailleurs, DLC, on s'en calisse de votre esti de beef là, avec Chico, esti. Là, pis, ben, il s'est fait mettre dehors de 91.9, fait que je peux comprendre pourquoi il est fâché. Le gars de DLC? Ouais, il faisait comme une chronique à 91.9. Hey, t'es un ancien rappeur, ça a l'air, ça. Hein? Il faisait une pour chronique vrai? À ouais, Max Truman? C'est Max Truman, ça? Ben, il me semble, il s'est fait chanter dans ses textes. Chroniqueur à 91.9. Ouais, il parlait. Là, DLC, c'est Max Truman? Parce ben, qu'il y a plusieurs, je pense. Il y a plusieurs. Mais DLC, il y a vraiment un gars qui est un ancien rappeur. Quand il écrit ses textes, c'est Max DLC Truman. Okay, ben, il me semble que ouais, c'est mais ça, c'est mais. Ça, non, non, t'as c'est DLC Max t'as Truman. Max Truman. Mais bref, non. Ça pour non, dire je pense que gars, il a raison. Ces blogs-là, à la limite, c'est correct parce que ça reste des rumeurs et des potins. Pis... Mais Hockey 30, c'est de la style ouais, mais il y a beaucoup moins de garbage. Ouais, sur DLC, il y a moins de garbage. Ah man, il y a moins de garbage. Plus comme les pratiques. Il suit plus. 25 Stanley, ouais, c'est garbage. Mais ils disent qu'ils sont le fast-food ouais, du sport. Puis il y a un public ouais, pauvre. 25 Stanley, même si c'est de la merde, ils iront pas faire un pause. Genre, dire c'est qui les blondes, les filettes des joueurs du Canada? 25 Stanley, c'est qui les plus belles? C'est ça, c'est qui les plus belles? Ça s'intéresse le monde. Mais 25 Stanley, je pense, sont moins pires. Depuis les affaires, tu sais, des parties. Mais c'est passé assez calmement à Montréal. Ils ont été achetés quand ça va bien à Montréal, il n'y a pas de potin qui sort. Ben, ils ont fait un plat sur Sergachev qui a mangé du McDo, style, l'autre ils jour. Ils peuvent pas rien sortir. Parce que quand ça va pas bien, c'est facile de dire « Hey, ça va pas bien, puis nous autres, on a une fille exclusive qui est allée dans l'appartement de Galchenyuk, puis qu'elle on va y masquer la voix, puis elle va parler comme un homme, style, ça, c'était dégueulasse. Ça, c'était dégueulasse. Mais DLC, par exemple, à sa défense, qu'est-ce que je vais donner, c'est qu'à chaque fois qu'il parle de quelque chose, il met le lien. Ouais, au moins. Et la phrase est highlightée en bleu, puis ça te conduit à le lien directement à l'article. Ouais, il est bête de bourre. Ça reste des potins, des rumeurs, mais il y a des faits. Ça peut être sources, son travail de source blog, est comme plus respectable. DLC, c'est probablement le plus propre. Ouais, ben oui. Dans toute la gang. C'est plus. Il parle de hockey. Il donne son opinion. Il donne son opinion. Il dit qu'il y a des insides. Bon. Ben, tant mieux si t'en as. On s'en crisse. Puis de toute façon, un de ses insides disait que Petrie se ferait échanger parce qu'il n'y a pas le numéro qu'il voulait avoir quand il est venu à Montréal. Mais attends, là, tous les blogs vont dire de la merde. Mais je veux dire, il y a des affaires en même temps que DLC. J'ai lu sur DLC des affaires parce que DLC, c'est à peu près le seul là-dedans que je check, je vais dire. À l'occasion. Ouais, j'en ai dit régulièrement, mais ouais, plus à l'occasion. Puis J'ai lu des affaires sur DLC, puis j'ai fait comme... OK, Chris, c'est pas fou, puis ça se passait pas longtemps après. Fait qu'il y a peut-être vraiment des sources, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il est juste chanceux puis qu'il tombe sur la bonne affaire. Mais DLC, mais, c'est plus crédible. Mais c'est plus crédible. Si tu veux l'instruire, c'est des potins. C'est que du gros caca. C'est que du clickbait. Genre, Gatchenia qui a bu de l'eau, il a pas pu au fly gin. Il y en a un autre. J'aime mieux sentir l'odeur d'une diarrhée, mettons, quand Mart pogne la gastro, que d'aller lire DLC. OK 30, tu veux dire? Puis OK 30, Il y en a un qui suivait OK 30 de pas très loin, là, sérieusement, là, c'est absolument fan. Là. Toi, là, retourne à ta cuisine au Bastos, Asti, on l'aura dit. Ben, absolument fan. Absolument fan, c'est le premier gars que j'ai jamais... C'est le premier gars que j'ai boycotté. C'est le premier site que j'ai boycotté, genre, c'est le gars que je suivais. C'est le même genre. Ça n'avait pas de bon sens. Moi, en fait, j'ai jamais suivi ce site. C'est la fausse nouvelle qu'il n'y a aucune nouvelle quand tu vas aller, parce que ça passe à l'écrit sur leur page. Comment ça? Il peut y avoir 126 000 personnes. À cause du nom, probablement, c'est en 4 ans que je le suis. Je pense que c'est absolument fan. Check. C'est un réseau, en fait, ça. OK. OK, il y a plusieurs sites dans le même genre. Un qui parle de hockey, un qui parle de potins, genre, mettons, showbiz.net, je sais pas, c'est pas ce site-là. Non, ça, mais plein de sites comme c'est ça. C'est le même gars. Genre, 2000, c'est le même gars, c'est un réseau. Puis il y a plein de ce genre de sites comme ça. C'est du spam de sites de merde. Puis c'est que du clickbait. C'est ça sert à faire des revues publicitaires. T'arrives sur la page, c'est que ça. Des attrapes négo. C'est que ça. C'est de l'argent facile, c'est de l'argent facile. Ça marche. Ils le font, ça fonctionne. C'est qui les épais qui leur donnent l'argent? C'est vous autres qui allez visiter ces sites-là, dans le fond. Parce que... Dave, j'aimerais juste que tu prennes bien le temps de bien les pointer du doigt, les gens. C'est vous. Et toi, là. C'est bon, ça. Pas moi. Okay. Ça ressemble comme des Simpsons. Fait que j'espère que ce sera... Mais j'ai rien fait. J'espère que ce sera la seule fois cette année qu'on va reparler d'Hockey 30. Là. S'il vous plaît, arrêtez de suivre ce crise de blog de vie dans le jeu. Vous avez le droit de le suivre. Hey, mais tu sais, on n'en parlait t'sais, pas. T'sais, on n'aurait pas parlé si ça n'avait pas été de l'affaire des joueurs, des blondes laides, des gars. Ouais, c'est ça, parce que habituellement, on s'en calisse. On s'entend-tu qu'on en dit de la merde, Malette, il en dit de la merde. Oui, mais c'est pas pareil. Le monde choisit de nous écouter. On est un podcast. Moi, c'est une flèche. On dit, mais la fin, on donne un show. Oui, le modèle, tu vas en dire de la merde. On fait ça dans un. Justement, dans un. Un environnement familial. Un objectif de divertissement. On se prend fucking pas au sérieux. On n'a pas 1000 pubs sur notre site. Va visiter notre site, lasoiredupodcast.ca. Aucune pub. Aucune calisse de pub. On cherche pas. Bon, ben, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui veut nous vendre de la publicité, on est prêt à la mettre sur notre site. En mais fait, c'est pas ce qu'on cherche. La seule pub qu'on a, je pense, ce serait Young Media. C'est moi qui est derrière ça, hostie. Fait que c'est pas rendre la pub. Voilà. Mais c'est ça. Fait que... Tout a été dit. Fait que, on vous a à l'œil, Hockey 30, même si c'était un gars dans son sol avec une main et bobette qui le mais fait. Ceci étant dit, là, juste dire une affaire, là, l'affaire de DLC là, avec. Comment il s'appelle l'animateur le matin, là, le gars de Gatineau là. Charles? Non. Ah, ouais. Le gars de Gatineau. Ah, Chris. Martin quelque chose, là. Non. Anyway. Ah. Les gens ce gars-là, il a vraiment été rude, genre, avec Gonzo son genre le de star. Non, le gars le matin, Michel Lange. Ah, lui. Ce gars-là, il a vraiment été, je trouve... Mais ça, c'est un autre un peu... Asti qui a manqué de classe avec l'éditeur qui a appelé, puis il l'a comme menacé, puis il l'intimidait, man, au téléphone, là, c'était comme... Mais c'est ça, 91-9. Vous avez pris... Hey, man, c'est terrible. Non, lui, là, non, lui non, est intense. Lui est intense, une coche. J'ai écouté des affaires de 91-9, puis il a... C'est correct pour vrai. Je suis d'accord. T'as le droit de pas aimer ça. C'est ton opinion. C'est divertissant, tu sais. C'est divertissant. Puis il y a pas juste de la merde qui est dit là non plus. Ben, comme moi, je considère ça comme la radio poubelle. Non, c'est de l'info. C'est le matin. C'est là où, genre, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est plus de l'info non filtrée par le CH. Le 91-9, ils sont pas contrôlés. C'est vrai, ça. Ouais, c'est pour ça. Et voilà. C'est voilà. Ça clôt le dossier. Puis d'infos pas filtrées par le CH, ça donne des affaires des fois que... Que le monde n'aime pas entendre. Et voilà, le monde n'aime pas entendre ça parce que genre, si c'est pas... Mais de genre, parler des blondes lettres des Canadiens, ça n'a pas sa place, ça n'a pas rapport. On est en 2017 qui a arrêté moi ça. Faut en revenir là-dessus. Je l'ai checké l'article. Par curiosité, je l'ai regardé l'article, j'ai vu toutes les blondes qui étaient mentionnées. Il y a des filles qui sont bien ordinaires, Il n'y a pas de laideron là-dedans. Ben non, là. Puis la blonde à Dano, c'est pas mon genre. Mais pas laide, là. Je la verrais dans un bar, puis j'aurais le goût de swinguer. Chris, je swingerais, tabarnak, style, là. Je veux dire, il n'y a pas de laideron là-dedans. C'est bon, là. Ben, j'ai le choix, qui nous écoute. Hein? J'ai le choix, moi. Je suis célibataire, je reviens, il m'envoie dans choix, les bars. Genre, t'as genre très, très... J'ai le choix, ordinaire. J'ai le choix de faire comme, mettons, Hockey 30, puis me masturber, hein? Oui. Avec un peu de loup ou me ramener une fille que je trouve pas nécessairement c'est de mon avec goût. Avec un rouleau de cotonnel. La fille, calisse, hein? Le mot le mieux prononcé de tout le podcast. Elle est pas très, très belle. Elle est pas très, très laide, mais elle est acceptable. Puis je m'excuse, mais il n'y a pas juste ce style, le look de la fille. Mais non, c'est lui, ça. Lui, Chris, il la connaît depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas, je m'en calisse. Pas comme si Thanos, c'était... On s'en tabarnature. Ça nous calisse quoi, calisse? Voilà. La blonde de Dano soit pas la fille que toi tu trouves de ton goût. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Okay, moi, je trouve ça beau. Dave, faut président, calisse. C'est beau, une femme, monsieur. Aime ça, les femmes. Ben ouais. Fait que ton blog, Hockey 30, là. Et sa bonne réponse est on s'en calisse. Voilà. On fait un blog anti-Hockey 30. Ouais. D'ailleurs, il y a un blog qui s'appelle. www.hockey30.com sur Facebook. www. Puis là, ils nous ont comme liké quand on a posté. Voici les blondes de Hockey 30. Puis c'était juste des mains. Là. Des mains, ouais, ils ont liké. Puis il a liké, il nous a suivis. Puis il nous a retweeté, repartagé. Il a marqué bravo au gars de la soirée du podcast. J'étais comme. Le gars, il nous lit, puis il y a de l'humour. Puis je suis allé voir, puis finalement, c'est un conte parodie. C'est genre le mouton brun du hockey, parce que là, ça s'appelle le mouton noir du hockey. Là. Hey, t'es même pas le mouton noir, t'es le mouton épais qui se fait rien. Qui se fait skinner. C'est le mouton consanguin qui a polio, esti. C'est quoi, c'est le mouton brun? Hein, les beaux là, man. Les beaux là, des blogueurs. Donc, on vous invite à nous suivre. Toi, t'es le mouton qui se fait skinner, qui sert de manteau, esti. Oh, non, qui se fait skinner la tête, esti, vers la mec. Ouais, c'est ça, toi, tu sers de repos. Tout est comme arrangé à l'al. Tu sers de repos, esti, à une gang de gens de gars qui mangent à l'al, esti, avant de se faire égorger, là. Hey, arrête de parler d'Alal, esti, j'ai peur que. Que les fans d'Alal sortent. Arrête de parler d'Alal. Les fans de Yaroslav Alal. Arrête de parler d'Alal, ça me donne faim. Moi, je veux voir le gif de la mec explose. Le quoi? Le gif, ça y est. Tu veux voir c'est quoi? Un gif. Le gif de la main qui explose. Que tu disais ton idée. Okay. Le gif? J'ai eu peur. Le gif de la mec qui explose. Ouais, moi, c'est ça que j'ai entendu. Tabarnak, je suis parti. Je sais pas si c'est ça que j'ai entendu. Le gif de la mec qui explose. C'est ça que j'ai entendu, man. Fait que suivez-nous. Là, tu t'attires des belles crises de baffe, ça y est. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Nous autres, on fait pas des pauses de même. On pose une niaiserie, mais on fait ça pour le fun. Ouais. On n'a rien contre la mec. C'est de l'humour. Non. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Même moi, je dors la tête vers la mec. C'est feng shui, ça, par exemple, Marc? Ah, yeah. Des fois, c'est pas feng shui. J'ai été obligé de scraper mon kit feng shui. Je dors la tête vers la mec, puis des fois, je me louvre un peu. Hey, des fois, je commence à me raser en pleine nuit, hostie. Là, vers la mec. Hey, j'ouvre tant mes huit vers la mec, moi. Je sabre mon champagne vers la mec. Ah, tout est vers la mec. Je scrape des couteaux. Hey, c'est ça. Il va faire des gosses. J'ai failli t'en faire une belle, là. Je sors mon stock de la croque-pote vers la mec. Je commence à avoir chaud. Ouais. Je commence à avoir faim. On va couper ça, ce podcast. Hey, on devrait peut-être avoir des invités dans les prochains podcasts. Mais oui, on a discussions. On a quelqu'un qui veut venir jaser. Ouais, on a un petit quelqu'un qui veut venir. Un gars de la mec. Eh ouais, un gars de la mec. On a aussi Seb Brutal qui va falloir qu'il vienne nous parler de son livre de 110%. Ah, quand est-ce qu'il vient, lui? Faut l'inviter. Faut juste l'inviter. Hey, ben gars. Invitons. T'es invité, man. T'es invité, Seb. On t'attend. Viens parler. Hey, Seb, ta date est la note. Première des choses, Seb, là, tu lis le Chris de livre. Ouais, il dit qu'il l'a lu. C'est vrai que c'est croustillant et juteux. Ah ouais, Chris, ben viens. Ta date est la note, mais pas une date que Mallette a son petit. Là. Puis ouais, si Seb vient ici, en plus, on change tous nos tracks, aussi, pour rien que du métal. On met les quoi à l'envers partout. On rend tous les tracks de la soirée du podcast avec un fond de métal. Ah, si, je record tout. J'ai rien à enregistrer. Puis un gars, genre un gars qui crache au travail. Genre... Ouais, fou, man, on est backé par Zaman Apartment, là, long. Fait que ça fait le tour du podcast. On se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde.